Avec autant de fous, il nous faut de la répétition. Aujourd'hui, merci, monsieur. Aujourd'hui, le lundi 22 juin 2020, monte le volume et hume la différence, car c'est parti. Mon kiki. Ah ben oui. Ah ben ouais, hey, c'est parti. Ah ben ouais, hey, ouais ben ouais. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Hey, t'as voulu voir Reynald? Et on a vu Reynald. T'as voulu voir Reynald? Et on a vu Reynald. T'as voulu voir des fleurs? Et on a vu l'abeille. T'as voulu voir l'abeille? Et on a vu la fleur. Mais, je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Québec. D'ailleurs, j'ai horreur de ce petit tapon qui s'appelle le Reynald et qui est souvent à la récréation. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. T'as voulu voir Québec? On a vu Québec! Je t'ai fait connaître CKRL et maintenant tu as des ailes. Ça, c'est un peu le son de... Oui, c'est moi, Reynald. Ça va bien, vous? Bon, les enfants, gazouillent. Et les oiseaux, crient. Bon. Et ça crie... Ça criquait. Criquette la grenouille. Connaissez-vous Criquette la grenouille? Et ça, c'est une belle histoire. Parce qu'en fait, à force de manger tous les insectes, elle est devenue les insectes qu'elle a mangés. Ça, c'est un peu comme... tu sais, il y en a qui croient à ça, c'est... comment t'appelles ça? Non, les... faudrait que j'appelle Sophie, parce qu'elle est là-dessus, là. Les karma. Il y en a qui sont caca. Il y en a qui sont caca, d'autres qui sont karma. Qu'est-ce que le karma? Maman va pas te le dire, je le sais pas. Elle m'a le dit une fois, elle m'a le dit. Oh, mais ça m'a l'air sensé, ça m'a l'air sensé. Non, non, moi, j'étais prêt à voter pour ça. Et puis, j'ai dit, faut-tu être membre, comme à CKRL? Elle a dit, non, mais c'est pas bon signe, là. Parce que moi, être membre, hein, c'est de chapeauter. C'est de suivre quelqu'un, un groupe, un organisme, oui, ben oui, exactement, vers son développement pour qu'elle devienne de plus en plus... Oui, exact. Madame, vous m'avez envolé la bouche de la mouche. Oui, c'est quelque chose qui doit se suivre de près, que l'on doit collaborer. On doit collaborer pour que ça puisse rester et nous faire vivre des expériences extraordinaires. Donc, moi, j'étais là. J'écoutais Sophie. Ce commandeur qui nous servait de déjeuner, de goûter et de dîner. Peut-être l'ai-je overdosé. J'étais fauché comme les blés. Je voulais vivre de mon art. Elle voulait vivre en avait marre. Cette leçon coûte pas plus d'un fromage. Arnard lui a payé du plumage. Oh, Sophie. Oh, Sophie. Oh, Sophie. Reviens, je ferai la petite. Pendant ce temps, je me tapais des jets dans les bistrots pour le cacheton. pas de Mogador mais des Mogadons. Et en rentrant tout excité, la petite femme, je l'embrassais plus persuadé que bientôt dans un livre de Zibeline, on oubliera la purée mousseline. La petite femme. Oh, Sophie. C'est rare. C'était pas drôle, elle faisait un drame. Bois contre bois, boum, chlagadam. C'est sûr, je préfère les cerfs qui brament. Mais j'ai croisé un producteur. Mais c'est d'accord, je vais être chanteur. D'accord, c'est qu'une pub, mais quand même, c'est pour le fromage que t'aimes. La petite. Hey, hey, oh! Sophie. Dire le karma, le karma, ma mama, le karma, le karma, ma mama. C'est bien beau, là, mais explique le. Ça fait qu'elle elle s'est exécutée. Là, je m'en rappelle plus trop. Non, mais pour quand quelqu'un a raison, ou c'est censé, peut-être pas raison, mais quand c'est censé, je dis OK, ah ouais, mais oui, c'est vrai. En fait, le karma, si je me rappelle, comme disait René Lévesque, si tu fais le bien, tu récoltes le bien. Si tu fais le mal, tu récoltes le mal. Pas loin du christianisme, ça, là. Œil pour œil, dent pour dent, ouais, c'est ça. C'est pas du christianisme, œil pour œil. Ben oui, ça fait partie du christianisme, œil pour œil, dent pour dent. Pourtant, Sophie est vivante, elle existe, là. Elle est chrétienne par le fait même que sa mère l'a inclus dans ce cercle de plus en plus fermé, heureusement. Et... non, je fais pas le... les gens doivent être ce qu'ils sont, là, puis leurs croyances, on n'en parle pas. Ben, on peut en parler. Mais ça reste quand même assez intime. Puis en rire, oui, mais ça dépend avec qui, comme disait Pierre Desproges. Et puis, non, on va glisser là-dessus, là. Non, mais vous l'avez pas vu parce que vous avez pas acheté la radio visuelle. CKRL est très visuelle, mais il faut avoir la radio pour qu'elle le soit. Comment faire pour voir à travers tout ça? Bonne question, très bonne question. Il y a des chercheurs de l'université de Oxford aux États-Unis. C'est l'université la plus chevronnée. En fait, ils en lavent régulièrement des chevrons. Là, et après parce que s'ils gardent l'eau dans le chevron, ça va rouiller. Ils l'ont su, malheureusement, à leur dépens. Ben, ça dépendait aussi de l'heure que tout ça allait rentrer dans l'eau. Le chevron n'aime pas être mouillé trop tard. Moi, vous donne un exemple. Les gens aiment ça, les exemples, parce que c'est rassurant. À quelle heure vous dînez, vous? Mais, OK. Mec, je crois qu'il y a les cups à la porte. Putain, t'es défoncé, négro. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Je crois qu'on a toqué, mec. Mec, il y a un putain de keuf à ma porte, mec. Qu'est-ce que tu fous? Ok, c'est parti, toqué, équipe dopée. Faut pas que la PJ vienne toquer. Non, faut pas que la PJ vienne toquer. Course poursuite pour le bif, hein, point de côté. Y'a du doré, du soqué. L'ambiance est glauque, change pas dans le club. Sur moi j'ai mon glock. Ok, c'est parti, toqué, équipe dopée. Faut pas que la PJ vienne toquer. Faut pas que la PJ vienne toquer. L'oseille, le nerf de la guerre. On sait le faire, on est des terres. Allez, R, Paris Rotter. J't'éclate mon terre et j'fais un vœu. Rafale, tu disparais, j'suis magique comme Potter. Petit morveux, j'ai la piste du diable dans le foie. J'pilote le bolide, j'ai les gens qui tremblent. Et mon cœur il fait le trampoline. C'est mon Glock qui te fait la bise. Vu que t'es pas très poli, honte cardiaque au feu rouge comme à Tripoli. Escroquerie stup, proxénétisme. Ok, c'est parti, toqué, équipe dopée. Faut pas que la PJ vienne toquer. Non, faut pas que la PJ vienne toquer. Course poursuite pour le bif, hein, point de côté. Y'a du doré, du soqué. L'ambiance c'est glauque, j'range pas dans le club. Sur moi j'ai mon Glock. Ok, c'est parti, toqué, équipe dopée. Faut pas que la PJ vienne toquer. Faut pas que la PJ vienne toquer. Faut pas que la PJ vienne toquer. Ok, c'est parti, toqué tous les cas. Pour les ennemis, prépare le toka. J'me suis fait péter, le H appelle l'avocat. J'vois du Jagda, honnête du Tennessee ou du Hennessy. J'ai tourné, tourné, ça y est, j'suis sorti en semi. L'oseille, le nerf de la guerre, j'ai mon treillis. Scalab mal bien acquis, j'suis dans le square. J'suis sous le parvis, on n'a pas choisi cette vie. Ok, auditionné à 10h par l'OPJ. Choqué, écroué au grève à 23h30. Ok, c'est parti, toqué, équipe dopée. Faut pas que la PJ vienne toquer. Non, faut pas que la PJ vienne toquer. Course poursuite pour le bif, hein, point de côté. Y'a du doré, du soqué. L'ambiance c'est glauque, j'range pas dans le club. Sur moi j'ai mon Glock. Ok, c'est parti, toqué, équipe dopée. Faut pas que la PJ vienne toquer. Faut pas que la PJ vienne toquer. Mais j'y viens toquer. C'était pas les keufs, mec. C'est ton putain de vibreur. Arrête de fumer cette merde, mec. C'est le maire de la ville. Puis voilà, la ville est calme. Très très calme. Saviez-vous qu'au Québec, puis en Belgique, on a le même principe. On déjeune, on dip. On dip. Moi, je dip pas assez, moi. Ah, non, non, non. Quand le service est pas bon, je dip pas. Je dip pas, puis je le dis pas, mais quand je donne pas le pourboire, ils voient bien que j'ai pas apprécié, que la serveuse était pas trop intéressée par ce que je lui demandais. Et ce que j'ai reçu dans mon assiette, et que c'était que... Ouais, ouais, ben non, là, ça, je prends pas ça de même, moi, là. C'était que des insultes. Tu payes pour te faire insulter. On se croit à la radio commerciale. Hey, ça, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas beau. Ça n'a jamais été beau, ça. Faut jamais accepter ça. Les enfants... On va parler aux enfants. Parce que non, mais les enfants, c'est l'avenir du monde. Les enfants, c'est l'avenir du monde. Hey, c'est pas con, cette émission-là. Ils disent des choses. Ben oui, on dit des choses. Puis là, on les met sur le bord du chemin. Les gens passent un peu comme le carnaval. Connaissez-vous ça, le carnaval? Hey, c'est un retroupement de monde. On est serré, collé. On a du fun. Il y a de la musique. Puis tout... Mes amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés. Car elles m'attendent depuis que je suis né. L'Amérique, j'abandonne sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Cela commence par un peu de chagrin. De l'Amérique, l'Amérique, oui, l'Amérique, je veux la voir. Chanter sans voix la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. Mes amis, je vous dis adieu. Je devrais vous pleurer un peu. Pardonnez-moi si je n'ai dans les yeux que l'Amérique. Je reviendrai, je ne sais pas quand. sous, mais plus riche qu'avant, de l'Amérique. L'Amérique, oui, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, oui, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les cités de train, toutes les sirènes des bateaux m'ont chanté cent fois la chanson d'Eldorado. De l'Amérique, l'Amérique, oui, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, oui, l'Amérique, si c'est un rêve, je le serai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je veux bien rêver. L'Amérique, l'Amérique, c'est un rêve, oui, je rêverai. Aujourd'hui, le lundi 22 juin 2020, l'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée, on a débordé, hein, mon, comme d'habitude. Laissons sur la chaussée, c'est pas grave. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. C'est dit trop vite, hein. Plus limpide, moins rapide. C'est beau, ça, comme texte. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de l'homme qui s'intéresse aux artistes, Julien Bassoul. À toi, l'ami. Point rouge dans la nuit, c'est une clope. Je te dis, un point qui danse dans ces collines, on se balade ici. Ma main au feu, un ours qui fume, je n'en crois rien. Il faut que cela soit quelqu'un ou bien quelqu'un qui suit un sentier, quelqu'un de transi, quelqu'un qui fuit, qui cherche un pays pour vivre, vivant. Julien, ça va? Ça va et toi? Excellent, merci. Excuse-moi, hein, je suis un peu en retard. Ah non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a aucun problème avec ça, mais tu es vraiment occupé? Quand même, ouais. Hey, ben, est-ce que c'est la haute saison pour toi? Est-ce que c'est la saison la plus chargée? Non. Ah non, c'est tout le temps comme ça. C'est pas facile. Non, ça, c'est que j'ai plusieurs métiers. Ouais. Dans le spectacle. Ouais. Et c'est la course. OK. Est-ce que c'est constamment comme ça? Tu t'arrêtes non, jamais? Non. Okay. Là, normalement, je suis en vacances. Heureusement. Tu vois, mais en fait, il y a plein de trucs qui sont quand même tombés. OK. Qu'il fallait faire. Donc, la journée normale, c'est emmener la petite à l'école. OK, oui. Mais j'habite en banlieue, donc après, je cours à Paris. OK. J'arrive vers 10h30. J'enchaîne les rendez-vous. Là, il y a par exemple, après, je cours un cocktail important. OK. Bon, alors, c'est du boulot, mais c'est sur un bateau, il y a la mer de Paris. Alors, c'est pas si... Mais j'ai plein de méchanceté à lui dire. Oh, OK, alors... parce que tu as déjà des choses là, que tu renfrognes depuis... Oui, là, elle vient de m'annuler. Enfin, pas elle, hein. Oui. Mais une des salles dépendant des services de la ville, ils m'ont annulé un bal du 14 juillet. Genre hier. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de financement? Ils ont mal fait leur dossier technique. OK. Ils veulent un parquet. Ils n'ont pas eu le parquet. C'est pas grave, on danse... On danse par terre. Oui, oui. Alors, ils veulent pas. Et... Je dis oui, d'accord, mais ça, c'est pas un motif d'annulation. Mm-hmm. Oui, ouais, j'ai les artistes derrière. Qui, eux, se sont préparés. Le 14 juillet, c'est énorme, en fait. Ben oui. Donc, la nana est pas contente que j'ai alerté la ville. OK. Et moi, je dis, mais vous me prenez vraiment pour le dernier des ringards? Vous m'annulez un truc, moi, je vais gueuler. Jusqu'à Macron, je vais gueuler. Ouais. Mais non, mais c'est fou parce que ces artistes-là attendent après les événements. Bah ouais, c'est pour les artistes. C'était 3500 balles et si je les annule, c'est 2000 balles. Donc, je vais quand même payer 2000. Donc, moi, je perds 2000 balles parce qu'une nana dans un bureau... a mal fait son boulot. Quelque part. Ah ouais. Mais avant de faire ça, tu étais, on dit chez nous, directeur artistique. Je suis toujours un peu. OK. Pour des noms qui ont aujourd'hui percé et font cavalier seul avec grand bonheur. Oui, oui. Alors, directeur artistique, c'est vrai que j'étais plutôt producteur à l'époque. OK, ouais. Exactement, c'est ça. Exact. Nous, on ne dit pas tellement directeur artistique. OK. Mais tu as la grande Sophie, tu es derrière c'est ça. Moi, oui, enfin, c'est moi. Ben, en tout cas, c'est toi. Les 10 premières années... Le début de sa carrière, c'est toi c'est qui moi. L'a... Okay. San Severino, Louis Attac, La Tordue, les Castafiore Bazooka, les Seagulls, tu connais ce truc-là? Oui. Les Moriarty. Oui. C'est anglophone. Mais à travers ça, pourquoi tu n'as pas voulu, toi, être un artiste ou te produire sur scène? Je n'ai pas du tout ce... Non. Je chante hyper mal. OK. Oh, ben, il y a plein de chanteurs qui chantent hyper mal aussi. Oui, mais moi, je suis vraiment du niveau Didier Van Passe, tu vois. OK. Oh, OK. Ben, il a fait carrière, Didier. Mais je l'adore. OK. Mais moi aussi, je l'adore. Je suis hyper admiratif. Ouais. Mais non, je suis un très mauvais musicien. OK. Mais j'ai fait comédien, un peu. OK. Mais je suis pas un bon comédien non plus. Bon. Et là, tu es arrivé à. Ou alors, j'ai été mal mis en scène. Mal dirigé, effectivement. Voilà. Ben, ouais, mais la direction artistique est très, très, très importante là-dedans. Et puis ton travail, c'est de défricher, c'est de trouver. Ouais, c'est quand même plus marrant. Puis tu as été aussi au Trois Baudets. Ouais. Ça, c'est très important, le Trois Baudets. Carrément. Tu as lancé Jacques Brel et... bien sûr, c'est important. Brassens et bien d'autres. Peut-être, je crois que Barbara passe au Trois Baudets aussi. Non, je crois pas. Barbara, elle était plutôt rive gauche. OK. Et donc, je ne crois pas qu'elle s'est passée au Trois Baudets. En tout cas, Brassens, Brel... C'est un peu... Oui, mais alors, tu sais, ça marchait par famille. OK. Il y avait la famille Canetti, la famille Cocatrix, les clans. Ouais. Et t'enregistres, là? Oui. Ah bon, bah d'accord, ah ouais. Ah bah oui, écoute, on se lance. Donc, Barbara n'était pas dans le camp Cocatrix. OK. Cocatrix, ça c'est... Canetti. Okay. Tu vois? Ouais. Par contre, il y avait il a fermé sa salle de spectacle, mm-hmm. mais il a continué. T'as eu Brigitte Fontaine, t'as eu Jacques Higelin, qui était sur le label Jacques Canetti. C'est vrai, effectivement. Qui faisait, c'est intéressant qu'on en parle, d'ailleurs, t'as raison, il faisait déjà un peu du 360. On en parle beaucoup, là, avec la crise du disque, entre guillemets. Mais pourquoi entre guillemets? Bah parce que c'est un peu un commande à boire, alors. Ah ouais, je vais prendre un café allongé, s'il vous plaît, mademoiselle. Parce que je trouve que, si tu veux, quand cette révolution numérique est arrivée, ils ont un peu fait la sourde oreille. Qui ça? Les majors. Okay. Après, ils ont dit Internet m'a tué, on a tous vachement écouté Pascal Nègre, le patron d'Universal. Ouais, alors, ouais, c'est ouais. vrai, mais ils auraient pu anticiper mieux, mettre les catalogues en vente sur Internet, clearer les catalogues, voir venir. Mais comme ils étaient quand même dans une position archi-dominante... C'est classique. C'est le SAMU. Oui, oui, oui, c'est classique. Hein. Les c'est classique. Urbains, les sons urbains, c'est tout à fait... Ah, c'est dans l'émission. Ah oui, oui, ben oui, ben oui, il n'y a pas de problème. Ben oui, on capte tout. Hein. Donc oui, ils n'ont rien vu venir. Et moi, je suis toujours étonné quand tu vois des gens normalement aussi intelligents, aussi blindés d'argent. À une époque, c'était énormément d'argent. Ne rien voir venir. Donc... Ouf. Un jour, on réécrira cette histoire en disant, allez, c'est peut-être pas si simple. Bon, maintenant, ça va un petit peu mieux, et tant mieux. Mais c'est vrai que ce 360, parce que maintenant, tout le monde fait tout, t'as remarqué, ça existait déjà dans les années 60. Oui. Un producteur comme Canetti, il faisait des tournées, il faisait des disques, il faisait l'édition, il faisait le management, il faisait le directeur artistique, et il était bon. Oui, c'est quand même pas aussi évident que ça. Voilà, après, les limitiers se sont divisés. Il y avait les producteurs de spectacles, les éditeurs de musique, les directeurs de salles, les directeurs artistiques, les réalisateurs d'albums. Ça s'est hyper spécifié après. Et puis, c'est vrai que maintenant que le matos est devenu petit, tu peux enregistrer un disque avec un truc minuscule, les métiers se sont de nouveau fédérés, je ne sais pas. Il y a eu une vague. Qu'est-ce qui fait que tu as adhéré à un moment donné, outre Baudet, puis actuellement chez Madame Arthur, qu'est-ce qui fait que tu acceptes des contrats, que tu veux mettre de l'énergie sur un projet? Est-ce que tu dois y croire déjà là? C'est pas... Oui, ben j'y crois, tu sais, mais moi, avec mon association, donc Life Live, on programmait au début des bars. Puisque, Un peu comme ici, là, au Saint-Jean, là, les petits bars. Là. Un peu comme ici, des petits bars. Il n'y avait pas encore tous ces, je dirais, ces nouveaux bars. Mm-hmm. Hein, c'était encore une époque un peu... Merci beaucoup, mademoiselle. Et je vais peut-être vous prendre un deuxième sucre. J'arrive. D'accord. Et puis dans les bars, il y a pas mal d'artistes qui étaient quand même vraiment formidables. Il y a des petites salles qui ont commencé à se... Il y avait des salles qui existaient, mais un peu en jazz et pas grand-chose d'autre. À part peut-être le Limonaire qui existait déjà, tu vois, il n'y avait pas grand-chose. Et les cabarets rive gauche, ils avaient quasiment fermé. Et les nouveaux chanteurs, ils ne les prenaient pas. Ils étaient un peu trop punk, un peu trop sales, un peu crades, tu vois. Un peu trop anarchistes. Un peu trop anarchistes. Ouais. Donc c'est vrai que quand moi je faisais le premier groupe de San Severino, tu vois, les voleurs de poules, il y avait aussi Yann et les abeilles. Alors lui, il avait la tête rasée, il avait un tatouage. Il chantait des trucs un peu trash, un peu subversif. Bon, ces petites salles-là, ils ne nous prenaient pas. Ou pas tout de suite. Okay. C'est compliqué de rentrer dans ce métier. Oui, oui, oui, alors on faisait tous les bars, les petits bars de Paris, et souvent même des bars kabyles, tu vois, qui, je sais pas, qui étaient un peu déjà révolutionnaires. Ils disaient, alors venez, venez, etc. On faisait des fêtes monumentales. Et un jour, à République, il y a un mec qui nous a confié, grâce à Yann et les abeilles, un grand bar qui s'appelait le Wait and See. Okay. Qui n'existe plus. Non, ils voulaient faire une pizzeria, les gars. Et Yann, il est passé, il leur a dit, là. Non, c'était une pizzeria. Okay. Et ils voulaient faire un club de jazz avec des énormes travaux. Et Yann leur a dit, voilà. On va déjà faire venir les groupes là, de la sauce. Et vous allez voir, on va remplir votre bar, etc. Et c'est le premier bar à Paris où on a testé. Donc nous, on faisait que des concerts gratuits. Okay. Mais les patrons nous filaient 500 balles ou 1000 balles, tu vois. Bon, ce qui était pas si mal que ça. Ouais. Hein. Oh, ouais. Et c'est le premier bar qui nous a dit, OK, vous commencez dès le mardi soir à faire des concerts. Donc on faisait mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. C'est quand même... C'était unique. Il n'y avait pas. Avec des jeunes talents, des gens qui n'ont jamais fait de disque même. Okay. Tu vois. Et ça a cartonné. Et là, il y avait toute une génération d'artistes. Alors, c'est époque La Tordue, époque Tête Raide, époque tout ça, tu vois. Ah oui, oui. Tête Raide qui existe encore. Qui existe encore. Ouais, et puis, ils font des tas de trucs et tout. Ah oui, oui. Mais tu vois, ça a donné un espace. Parce qu'en fait, ces groupes, ils ne savaient pas trop où jouer. En 30 ans, tout ça a changé. Maintenant, il y a des endroits pour jouer, il y a des endroits pour répéter. Il y a plein de mini-labels. Il y a même de nouveau des disquaires. Il y a des aides, il y a des cafés culture, il y a plein de choses qui se sont créées. C'est moi la fille aux prises uniques, je fais la caisse automatique. Et tandis que j'encaisse tout ce blé, je pense à mon vernis écaillé. Je pense à mes bas qui sont usés, comme ma vie qui est triste à pleurer. Mon truc c'était... sentiments, dire des points de vue, serrer des mains. C'est toujours la même musique sur mon piano afrique, avec mes doigts mécaniques. J'enregistre, j'enregistre, en attendant, j'encaisse ce fou, ce que j'encaisse, j'encaisse tout dans le vent. C'est passionnant à la vie des autres qui passent devant, mais des fois ça me fait mal à l'œil, toutes ces promos qui me font de l'œil, comme si c'était ça mon bonheur, comme si il me faisait une fleur. Ma vie, si je pouvais me la payer, la caisse, je l'aurais forcé, je l'aurais forcé, je l'aurais forcé. Ouais, ouais, ouais. Sous mon ciel en néon pourri, ça me fout le tournis, toutes ces cartes qui s'agitent sous mon nez. Et moi je les rattrape jamais, tous ces trucs que j'ai pas choisis. Rendez-moi la monnaie, merci. Sous mon ciel en néon pourri, ça me fout le tournis. En attendant, j'encaisse, c'est fou ce que j'encaisse. J'encaisse tout dans le vent, c'est passionnant. Arriver où je serai dedans, un jour c'est sûr, je leur montrerai. La tête haute, je me lèverai, et sans dire bye bye, sans regret, je partirai, ah oui je partirai. Ma vie, je vais me la payer, un jour c'est sûr, j'en finirai, ouais j'en finirai, j'en finirai, ouais ouais ouais. Dans une vraie belle caisse qui roule tout en bois blanc, placez-moi devant, un jour c'est sûr, je leur montrerai les pieds devant. Je partirai, mais après là, m'esprit unique dans ma caisse, ma bonne direction, j'encaisse pas, c'est passionnant, et ce serait chic de serrer la main au vieil. Dans ma belle caisse, j'y reviendrai, c'est passionnant, rendez-moi la monnaie. Devant ma caisse, fini de payer, c'est moi le fantôme de supermarché. C'est passionnant, c'est passionnant, c'est passionnant, vraiment c'est passionnant, vraiment c'est passionnant, non, non, non, non. Des rouages, si tu veux, dans tout ça, il y avait aussi les baroques, quoi, qui étaient une très grosse assoc, qui eux programmaient plutôt, donc c'était encore avant moi, qui programmaient, moi c'est les années 90, c'est encore avant, eux ils programmaient tous les groupes que t'adores, la Mano, les Négresses, les machins, les Rita, les Vampas, les Satellites, les OTH, la Souris Déglinguée, les Bérus, c'est cette époque-là. Pareil, mais dans les bars à Clignancourt, tu vois, là-bas. Voilà. Alors eux, ce qu'ils faisaient souvent, ils venaient, ils jouaient, ils foutaient un souk pas possible. Tout ça, il n'y avait pas Internet, hein, on le savait par le bouche à oreille. Par le bouche à oreille et peut-être par le Minitel. Ah oui, ben oui. Tu vois? Oui, l'ancêtre de l'Internet. Oui, il y avait un espèce de... En France, c'était un peu l'ancêtre d'Internet. Ah oui, oui. On pouvait savoir sur Minitel, des fois on pouvait mettre des concerts, je crois, sur des trucs. C'est vrai, c'est vrai. 36-15 concerts, ben ou je sais oui, pas quoi. Ben bon. Oui. C'était méga drôle. Tout le monde venait, les flics venaient, bon, c'était le bordel. Et eux, ils changeaient souvent de bar. Mais nous, par contre, Live, on s'est vraiment installé dans les bars. Okay. C'est-à-dire quand un bar marchait, on y venait tous les vendredis ou tous les jeudis. Et certains bars, ça continue depuis 20 ans. Tu vois, le Café La Liberté, ils font des concerts le jeudi depuis 25 ans. C'est fou, c'est fou. Mais qu'est-ce qui fait que tu acceptes de travailler avec un artiste? Est-ce que tu dois aimer déjà le matériel? Tu peux pas ne pas travailler avec... Alors, je t'avouerai que moi, n'étant pas un musicien, j'ai pas de... complexe par rapport au matériel. Okay. Moi, ce que j'aime, c'est le spectacle. Je suis pas capable, enfin, je dis ça un petit peu quand même, mais c'est pas mon métier d'écouter un disque et de dire bon, ben là, la guitare, elle est pas au bon endroit, le rythme est pas bon, c'est pas mon job. Par contre, quand je regarde quelqu'un sur scène, très vite, je peux lui dire, ah non, ça, ça cloche, ça, ça cloche, ça, c'est pas comme ça. Est-ce qu'ils sont à l'écoute? S'ils veulent s'améliorer, oui, mais... Ah, ils m'écoutent. Okay. Ah oui, ils m'écoutent, carrément. Ah oui, oui, oui, ils m'écoutent parce que là, pour le coup, en général, ce que je dis, il y a des arguments et c'est des choses extrêmement simples. Okay. Mais il faut un spectacle. Voilà. Alors, je peux te dire, les tuyaux, ils sont extrêmement simples. Okay. Dans le rock'n'roll, ce qui est fondamental, c'est de pied en cap. C'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne coupe de cheveux et une super paire de godasses. Okay. Voilà. Ça se résume au milieu, ça. On s'en fout un peu. Oh, oui. Hein. Okay. Mais il faut que de en haut en bas, l'artiste, il ait une gueule d'artiste. Voilà. Quand il enlève le micro du pied de micro, pour le prendre à la main, avec le câble, moi j'aime beaucoup les câbles, je trouve que c'est vachement intéressant, la chorégraphie, il faut qu'il enlève le pied de micro et qu'il le mette derrière lui. Sinon, sur toutes les photos, il y a un pied de micro. Ben oui, c'est vrai. Ah, ben non, alors il faut enlever le pied de micro, il faut prendre le temps. Si on veut boire de l'eau, on ne boit pas de l'eau dans une putain de bouteille en plastique de merde. Okay. On a une belle carafe, d'ailleurs on ne boit pas d'eau, okay. On boit du gin tonic. Oh, tu vois. Ok, ça se termine avec... Et on prend le temps de boire. Ça rentre dans le spectacle, c'est pas en cachette, caché derrière un retour. Non. Okay. C'est pas les techniciens qui gouvernent le plateau. Tu vois, c'est les artistes. Ouais. Faut pas mettre trop de retours. Ça sert à rien d'avoir une guitariste avec plein de pédales qui fait des jeux de jambes géniales et qu'elle soit entièrement cachée par des retours. Ouais. Les gens, ils veulent voir. C'est beau le guitariste qui mouline ses pédales. Là. Mais on voit qu'il maîtrise aussi. Là. Si tu le vois pas, si tu le vois pas, tu perds en émotion. Exactement. Donc le flux dramatique, il faut aider le flux dramatique. Et éviter les lumières qui clignotent. Ah, ok. Voilà. Ah oui, parce que c'est emmerdant. C'est emmerdant. Une chanson, c'est un tableau. Donc moi, je ne suis pas partisan de faire des lumières à la télévision. Ok. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils clignotent, où on aveugle les gens. On n'a pas le temps de se concentrer. C'est vrai. Voilà, au début du concert. On oublie de se concentrer aussi. Voilà, si c'est en effet un spectacle où tout le monde, à la fin, saute en l'air, il faut faire un crescendo dans ces cas-là, tu vois. Il faut monter. Mais un spectacle de chansons, tu peux faire des très beaux tableaux. Avec des lumières très simples, 4 projecteurs ça suffit pour faire des belles lumières. Hein. Oh, ouais. Mais c'est pas la peine de clignoter à fond et souvent pas en rythme. Puis t'as vu les nouvelles machines, là tu peux changer de couleur. Ah, ouais, vert pomme à violet, c'est pas joli. C'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. Ah, ouais, c'est ça qu'il faut dire aux techniciens. Oui, tu c'est vois. Vrai. Mais qu'est-ce qui te fait abandonner un projet? Parce que là tu as quitté les trois Baudets pour Madame Arthur, c'est ça à peu près? Alors oui, c'est un raccourci. Oui, habile, mais. Oui. Mais parce que en fait, tu travailles sur un projet, sur un théâtre et tu l'abandonnes par la suite? Alors c'est pas que je l'abandonne, c'est que les différents théâtres en France ont différents statuts. Ouais. Ça va du café, qui n'a pas de licence de spectacle. En France, il faut une licence pour faire des spectacles. Okay, ouais, il y a les petites salles, il y a les grandes salles, il y a les salles publiques, il y a les salles privées, il y a les privées sous contrat, voilà, il y a tout un schmilblick. Les Trois Baudets, la décision politique, c'est une salle qui appartient à la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris. Le choix, au début, c'était de faire une délégation de services publics. Okay. C'est-à-dire que la force publique considère que la chanson est un sujet... d'intérêt général. Il faut donc avoir une salle qui est pour les jeunes talents de la chanson et les artistes confirmés sur des projets spécifiques, et on le confie en délégation, donc avec un contrat qui est quand même très costaud, et le délégataire, moi en l'occurrence, il doit remplir son contrat, etc. S'il n'y arrive pas, on le remercie et on en prend un autre, mais en général tu signes pour 5 ans. Et la ville amène une compensation financière au titre du service public. Okay. Les Trois Baudets, c'était à peu près 500 000 euros par an. Mais normalement... Non négligeable, comme ça. Oui, effectivement, mais après 5 ans, est-ce qu'ils se sentent obligés de changer ou ils peuvent faire... Ils ne sont pas obligés de changer, mais ils ont le droit de changer. Okay. Enfin, ils ont l'obligation de relancer en quelque sorte un appel d'offres. Oui. Ce n'est pas un appel d'offres légalement, mais c'est ça l'idée. Oh, oui. Et de remettre la délégation de service public sur le marché. Okay. Donc ils ont fait un tour avec moi. Moi j'ai eu pas mal de soucis, entre autres financiers. On était ouvert tout le temps, on faisait bien les choses, mais on ne gagnait pas l'argent. Du coup ça a inquiété la ville. C'était pas rentable. Hein. C'était pas du tout rentable. Le projet n'était pas bien calibré, okay. Aussi bien de leur part que de ma part. Okay. Bon. Donc on s'est quitté bons amis, mais je n'ai pas pu faire un deuxième tour. J'étais chercher d'autres associés. Mais toi, tu avais des projets, tu avais une visée pour les trois projets. J'aurais bien fait un deuxième tour, mais j'ai pas pu. Du coup, c'est une autre équipe qui a gagné, avec Alice Vivier d'une petite salle qui s'appelle La Loge, et Olivier Poubelle d'Astérios, qui est un gros producteur et un mec déjà très intéressant. Donc, c'est eux qui ont remporté ce marché. Ils l'ont fait tourner pendant 5 ans. Et là, pareil, ils ont arrêté. Et d'ailleurs, la ville a arrêté les délégations de service public. Alors là, c'est terminé. C'est terminé. Maintenant, c'est l'équipe de Blue Line qui s'occupe du Trois Baudets, qui est un gros producteur de chansons et de spectacles en France. Mais ce n'est plus une délégation de service public. C'est une mise à disposition, un truc comme ça. C'est beaucoup plus léger comme contrat. Okay, okay. Parce que c'est vrai que moi, je leur ai souvent dit, c'est un contrat trop gros, trop lourd pour une toute petite salle. Ouais, voilà. Parce que quand tu es un très gros théâtre et que tu as des gros administrateurs et des comptables et tout ça, bon. Tu peux comprendre. Mais quand tu as une petite salle, tu es tout le temps en train d'accueillir du monde, etc. Tu as une petite équipe. Oui. C'est un très gros contrat. C'est très contraignant. Voilà. Et à un moment donné, c'est trop contraignant pour une salle. Au début, la jauge était de 250, maintenant elle est officiellement de 170. Donc tu comprends comment moi je n'y arrivais pas. Oui. Et par contre, c'était une bonne idée de faire quelque chose pour la chanson. Effectivement. Et de lancer aussi des jeunes chanteurs. Et de lancer des jeunes chanteurs. Donc c'est vrai que nous, on faisait 300 jours d'ouverture. Ce qui est énorme. C'est quelque chose. Ouais. Ah oui. C'est beaucoup de travail. Ben, on était tout mais le temps c'est là. Mais c'est d'entendre aussi les artistes. Est-ce qu'on va le présenter au programme ou est-ce qu'ils venaient chez toi alors, au Trois Baudets pour une. Comment t'appelles ça donc, des ressources. Oui, exactement. Un peu les deux. Okay. Un peu les deux, mais c'est vrai qu'on avait, on était contacté peut-être par 5000 artistes par an et on en programmait moins de 500. Donc ça fait déjà un pourcentage de 10%. Donc tu passes quand même ton temps à dire non. Mais et pareil, quand tu as écouté la maquette, bon, ouais. Tu peux pas voir 5000 artistes dans l'année. Non. Tu peux en écouter beaucoup. Moi, j'en écoutais peut-être 2 à 3000. Et... Donc, ce qui fait que quand les gens viennent te dire « Pourquoi tu me prends pas ?», tu leur dis. Parce que là, tu sais, tu l'as entendu. Bah, tu dis « C'est pas prêt, quoi. Okay, » bon, ouais. Continue à travailler. Là, sur telle chanson, ça va pas. Ah, alors là, par contre, tu es obligé de faire un peu le DA. Et d'ailleurs, le message, comme ils savent que tu as écouté... Ouais. Ah ouais, c'est ça, au moins, c'est quelque chose... Ils savent que tu es... Ils acceptent le message. Ouais, parce que tu es consciencieux, tu l'as écouté. Tu fais pas comme un journaliste qui va parler d'un livre sans l'avoir lu. Ah, ça arrive, pareil. Ça arrive très souvent, même trop souvent. donc, toi, tu as écouté le disque et tu vois qu'il y a des imperfections. Allez vous pratiquer, allez rejouer, puis vous reviendrez. Alors, déjà, on recevait même des gens qui chantaient en anglais. Ah ouais, alors ça, nous, c'était vrai. La salle de la francophonie, donc ah ça, oui, on enlève un bout. Oui. Il y a des gens qui sont vraiment pas prêts. Okay. Il y a des gens qui ont 15 ans, tu sais, des jeunes filles qui ont 15 ans, qui chantent dans une logique très variétoche, comme à la télé, un peu comme leur star. Oui. Mais elles sont pas prêtes. Et puis, je ne sais même pas si leur papa va accepter qu'elles montent sur scène, même si j'aurais pu prendre des gens de 15 ans. Ouais. Et parfois, il y a des gens, je leur ai dit non une fois, deux fois, puis au bout de la troisième année, ça a progressé. Oui, parce que là, tu as vu qu'il y avait un changement, puis ouais. Toi, c'était prêt à être et puis, montré sur scène. Les Baudets, ça reste une petite salle, oui, très. Mais c'est quand même une scène symbolique. Oui. Ben vaut mieux se roder avant. Parce que se planter devant 30 professionnels, ça après, t'es un peu marqué à la culotte. Oui, puis tu changes de boulot. Voilà, donc ça ne presse pas de se... De se casser la gueule. Ça se presse pas. Non, mais il faut faire attention aussi. Hein. Attention à tout. Oui. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé à travailler chez Madame Arthur? Ah, alors ça, c'est très simple. Madame Arthur, tu sais, c'est le divan du monde. Oui, ben c'est oui. La même entreprise. Ben oui. Je connaissais le directeur. Il s'est à côté. Hein? Les deux sont là. Oh, oui, exactement. À la mer. la bande. Abonnez-vous. Désespoir. Insensé. Désespoir. Un sentier. Errance rénaldienne sur CKRL-MF, le 89 Hall à Québec, avec Rénald Garnier. Cher Monica Bellucci, lisez-la cette lettre. Je vous en supplie, il y va de ma vie. Non pas de déclaration, même si c'est bien d'amour dont je veux parler, je vais vous expliquer. L'objet de ma demande peut vous sembler étrange. Une extravagance, tant pis, je me lance. Mon parcours amoureux, souffrant d'intermittence, j'aimerais vous citer en tant que référence. Ça lui donnerait du sens, du peps, de la nuance, de pouvoir vous compter parmi mes expériences. Ça doperait ma confiance, ça me porterait chance de mentionner dans mon CV. J'ai bien connu Monica B. Le marché du célibat est blindé de chez blindé. La concurrence est acharnée. Sur les mensurations ou sur les performances, c'est à la surenchère que cèdent mes confrères. Moi je ne tire aucune fierté de mentir sur mon passé. Je ne peux risquer de me faire dépasser. Ça doperait ma confiance, ça me porterait chance de mentionner dans mon CV. J'ai bien connu Monica B. Ciao Bella, come va? Appelez-moi Casanova. Effet sublimé, comment vous remercier? À peine envoyé, mon CV était flashé. Invité par mes, elle m'a allumé. Vous appréciez l'Italie et ses charmes féminins. Aimez-vous aussi les baisers florentins? 3 ans chez Monica B. J'suis plus qu'impressionné. Mais c'est terminé comme avec Carla B. J'aimais sa fermeté, surtout celle de ses baisers. Ouvrez grand les portes, j'suis fait pour le poste. Ça leur ferait ma confiance, ça me porterait chance de mentionner dans mon CV. J'ai bien connu Monica B. J'aurais dû m'installer dans ce quartier, je suis con. Mais je connais, d'abord, je connais bien le directeur. Et le directeur, dernièrement, le nouveau directeur, qui est là depuis 10 ans, on dit nouveau, mais ça fait quand même déjà 10 ans, il a racheté Madame Arthur et un artiste, Monsieur K, qu'on avait programmé il y a très très très longtemps, il est revenu le voir en disant « t'as réparé le cabaret ». Je voudrais bien refaire du cabaret ici, c'est un lieu hyper symbolique pour, dans le monde du cabaret. Bah, c'est mythique. Voilà, et dans le monde de la culture queer, c'est hyper mythique, etc. Donc, ils ont relancé ce cabaret. Et donc, il m'a appelé pour venir l'aider à cadrer un peu les choses, okay. À recruter les bonnes personnes, à ne pas se tromper. À monter aussi un spectacle, c'est ça? J'interviens très peu sur le spectacle. Ok, ok. Tu vois? Okay. Parce que pour le coup, je peux intervenir sur des toutes petites choses, comme toujours. Oui, tu vois, ton grain de sel. Par exemple, sur la grande salle, de temps en temps, L'équipe, c'est très simple. L'équipe, c'était vraiment une équipe qui faisait beaucoup d'accueil de groupes de rock, de reggae, de metal, de techno, etc. Donc les régisseurs, tu vois, ils sont tous très t-shirt noir, grosses dreadlocks, gros tatou, grosses bagouses. J'adore. Mais cette salle, elle se transforme en cabaret. Donc à un moment donné, tous les amplis qui clignotent, tous les retours posés par terre, les flycases, les trucs. Non, les gars, on fait un cabaret, on veut de la paillette, alors il va falloir nettoyer le plateau. Il va falloir faire des sides plutôt que des retours qu'on voit, des bains de pieds horribles. Hein. Il va falloir un vrai piano, qu'on va éclairer le piano. On arrête de mettre les mecs dans le noir parce que là, les artistes, on veut les voir. Ben vu oui, que les créatures, elles sont hyper maquillées, hyper costumées. Donc, on n'est pas en train de faire du hard rock en contre-jour. On veut voir les paillettes. Il faut mettre le pendrillon là où il y a les amplis qui clignotent dans tous les sens, là, le patch et tout. Moi, je veux pas voir le patch. Je veux voir un beau rideau noir. Je veux que le spectacle il commence à peu près à l'heure. Donc il y a une sorte, tu vois, de changement de culture. Ouais, ben oui, ben voilà. Oui. Et donc c'est à ça que je sers, moi. Il y a un virage. Et d'ailleurs, ça se passe très bien. Ah oui, oui, oui, oui. Et l'équipe, finalement, tous ces mecs hyper rock'n'roll que je connais aussi depuis très longtemps, ils s'éclatent. Ils s'éclatent parce que, artistiquement, ce qui se passe chez Madame Arthur, c'est extraordinaire. Ouais, c'est de la magie. On a réinventé un truc. Donc même ces techniciens qui sont branchés métal, ben, ils écoutent ça à la maison. Et là, on rigole. Les artistes font des trucs tellement dingues que les artistes, ils ont convaincu les techniciens. Les techniciens sont aussi tombés amoureux de ce spectacle. Et tu sais, à la Madame Arthur, on change de spectacle toutes les semaines. Et donc, t'as pas le temps de t'ennuyer. Non. Voilà. Non. Voilà. Mais le recrutement, c'est à chaque semaine, c'est fou, là. Non, non, il y a une équipe de base, on est une quinzaine d'artistes de base. Et il y a un casting semainier. Avec toujours un musicien, trois chanteurs, un technicien, un metteur en scène, une journée de répétition. Alors, c'est metteur beaucoup, en scène, hein. Une journée. C'est... Hein. Ouais, oui, c'est plus du coach ou de la DA, mais ça aide. Ouais. Ça nous permet de faire venir d'autres artistes. On a eu Pierre Richard qui est venu faire une mise en scène, par exemple, c'est assez drôle. Et puis, ça permet aux artistes d'avoir un interlocuteur quand même. Tu sais, en une journée, comme on fait à peu près une heure le spectacle, chaque chanteur chante à peu près donc 3-4 chansons. Ça va assez vite. Hein. Ouais, ben oui. Et puis, il faut que ça reste du cabaret, c'est-à-dire qu'il y a un côté, on se jette à l'eau. On prend des risques, des fois c'est hyper réussi, des fois c'est loupé, c'est pas grave, on est au cabaret, c'est ça. Tu vois, c'est pas du théâtre. On a droit à l'erreur, parce que c'est vivant. C'est vivant, et le public il a très bien compris ça. Ils sont là pour voir des performances. Ouais, il y a un côté performance, et puis finalement les plantades, il y en a de moins en moins. Et puis quand quelqu'un oublie son texte, le public l'aide, parce que en fait tout le monde connaît le texte. Là on a fait Edith Piaf, on a fait tous les grands chanteurs, on a fait des chanteurs vivants, hein. On chante Philippe Catherine, on chante Dominica bientôt, on chante Mathieu Chédid. Est-ce que tu leur demandes ou tu... Oui, en général, on leur demande. Okay. Mais de toute façon, je crois qu'on a le droit. Okay. On n'aurait pas le droit de faire un disque. Oh oui, okay. Tu vois, mais en live, on a le droit de reprendre le... On a fait Véronique Sanson. Okay. Je pense qu'elle était au courant. Mais est-ce qu'ils viennent voir souvent ou... Ça arrive. Ok. Tu as raison de dire ça, parce que l'année prochaine, on va justement mieux travailler avec l'entourage de l'artiste qu'on veut mettre en avant. Donc toi, par exemple, Dominica, je lui ai déjà dit, je ne vais pas demander à Dominica de mettre en scène Dominica, mais il peut donner une idée, il peut amener des copains, il faut qu'il soit invité. On doit focuser sur Dominica, puisque c'est de lui. Voilà. On parle de lui. Tu vas le faire mieux avec lui. Oui. Peut-être qu'il va dire, moi, ce qui me ferait plaisir, c'est que vous chantiez cette chanson. Alors, dans ces cas-là, on peut la lui chanter. Ah, c'est pas mal, ça. Tu vois. Mais c'est qui a eu cette idée-là? C'est toi? Non, c'est Fabrice Lafont, le directeur du cabaret Madame Arthur. Ah, mais c'est complètement... Ah, ça, c'est pas mal, ça. C'est venu petit à petit. C'est un chemin, c'est un long chemin de conviction de l'instinct. C'est-à-dire que tu as des idées, mais tu as des filtres. Là... Déjà, les copains, des fois, ils te disent « Non, fais pas de chansons françaises, tu vas te planter, c'est ringard. » Mais non. Si, j'ai envie, mais je... » Alors, des fois, les salariés de ton équipe disent « Ah non !» Des fois, les techniciens disent « Attends, on fait du métal, on s'éclate. » Non, non. Donc, il faut se convaincre que l'instinct a raison. L'instinct a toujours raison. Effectivement. Mais la programmation, elle se fait au fur et à mesure, ou si c'est déjà préparé dans une année? Tu sais jamais à quoi t'en faire? C'est programmé entre 3 et 6 mois à l'avance. OK. Là, on sait déjà. Donc, c'est Fanta Touré qui s'occupe de ça. Fanta, elle sait déjà ce qu'il y a de fin août à Noël. OK. Elle a déjà fait son casting. Okay. Donc, on peut se préparer. On peut se préparer, on peut travailler des chansons. Et on peut savoir que cette semaine, on est chez Madame Arthur, et la semaine d'après, on est libre. Parce que c'est des artistes qui font un peu plein de choses. Il y en a qui sont danseurs, d'autres qui sont comédiens, d'autres qui sont costumiers, d'autres qui sont performeurs, d'autres qui sont chanteurs, d'autres qui sont musiciens. Donc c'est vrai que la semaine d'après, ils sont libres pour faire d'autres choses. Ouais. Mais toi, es-tu souvent là pour observer? Oui. Et c'est après ça que tu donnes un peu ton grain de sel, ta façon de... Alors, c'est... j'ai changé de job chez Madame Arthur. OK. Ah, OK. Maintenant, je suis développement. Oui. Mais je ne mets pas mon grain de sel. Mais si un artiste vient me voir en disant, dis donc, comment tu as trouvé ce titre, etc., je lui dis ce que je pense. Et j'ai une toute petite légitimité là-dessus, parce que je les regarde toute l'année, je les regarde. Il y a un vrai travail, c'est pas compliqué. Tu sais, d'être un peu DA. Il faut regarder, il ne faut pas les fumer des clopes. Il faut tout regarder, et quand tu les vois toutes les semaines, depuis 2 ans, mettons, ce qui est à peu près mon rythme, donc je les ai vus 100 fois, à peu près. Alors tu les connais par cœur. Je peux lui dire, ben là ça a marché à fond, ça n'a pas marché, parce qu'en fait, à ce moment-là, ton regard, il est reparti sur, par exemple, quand ils oublient le texte et qu'ils ont un iPhone caché dans un paravent. Tu dis, ben là, on a vu que tu regardais, Bon. C'est pas grave, mais tu vois, fais gaffe à bien te mettre dans la lumière. Et puis tu vois, les câbles de micro, c'est très important. Souvent, les groupes de rock, je leur demande de ne pas prendre de micro HF. C'est pas mal le truc du câble, d'être un peu raccroché à quelque chose. Ah oui, tu tiens le fil. Tu tiens le fil, il y a des chorégraphies à faire avec ça, etc. Et GitHub, il sait très bien manipuler le micro. Tu vois, et Didier Van Passe et tout. Tu tires le câble. Exactement. Tu laisses tomber par terre et alors, tu vas manger. Alors, hip-hop, c'est bien que tu dises ça. Alors, qui j'avais vu, moi? Nick Cave. Ah, Nick Cave, ouais. Nick Cave, il enroulait le câble autour de sa gorge. Oui. Et il lançait le micro dans le public qui essayait de l'étrangler. Peter Murphy l'a fait à son dernier spectacle. C'est malade, c'est cinglé. C'est malade. Ah, c'est cinglé. Ah, j'adore. Ah oui. Donc le HF, c'est dangereux. Parce que tout d'un coup, l'artiste, il flotte. Ah oui, parce que là, il n'y a plus rien qui le retient. Voilà, ça se travaille, ça, le HF. Oui. Et le petit casque aussi, ça se travaille. Oui. Tu vois, le petit truc. Oui, devant la bouche. Voilà, ça fait très comédie musicale. Pourquoi l'accrocher? Alors, des fois, c'est génial. Oui. Et des fois, ça. Des fois, c'est pas à bon escient. C'est pas parce que ça existe qu'il faut l'utiliser. Oui, exactement. De temps en temps, un bon vieux micro avec un fil, ça marche, c'est beau, on peut jouer les nœuds, on peut faire plein de trucs. C'est esthétique aussi qui est important. Oui, puis c'est culte. Ben oui. Voilà. Un Shure SM58, ça a toujours sa place. Un Shure SM58. Oui, puis tu sais, nous, on est un cabaret où les gens chantent vraiment. Or, beaucoup de cabarets à Paris, c'est playback. Oui, un peu comme chez Michou. Oui, notre confrère Michou, il y a beaucoup de playback et un peu de chant. Oui, mais voilà. Très peu. Très peu. Oui, c'est surtout... mais lui, c'est transformiste aussi. Oui, c'est ça, exactement. Enfin, nous, on ne l'est pas. Non, c'est ça. Voilà, tu vois la différence? Oh, oui. Est-ce qu'on explique aux auditeurs? Alors, vous n'êtes pas rival, en fait. Non, on n'est pas rival. Lui, il a des créatures qui s'habillent, par exemple, en Dalida. Exactement. Et qui viennent chanter Dalida, et on dirait Dalida. Oui. Nous, on a des créatures qui s'habillent dans leur personnage, et qui éventuellement vont chanter Dalida, mais on voit bien que c'est pas Dalida. Hein. Non. Oui, c'est ça. Mais c'est ça l'intérêt aussi. C'est ça qui est complémentaire. C'est distinctif. Distinctif. Oui. Et c'est un travail qui est quand même assez exigeant de voir des artistes, de donner un peu son opinion, de monter des spectacles. C'est un feu roulant, mais avec les années, tu t'es fait comme une liste. Tu as des gens que tu peux appeler, puis ben écoute, j'ai un problème, est-ce que tu peux venir? Parce que mon artiste ne s'est pas présenté. Mais... Alors, ça ne marche pas comme ça chez Madame Arthur. Okay. Il y a plutôt une logique un peu de cooptation. D'accord. Parce que la troupe étant majoritairement travestie, il faut garder cet ADN. Okay, ouais. Donc s'il y a un pépin, je ne peux pas appeler Sanseverino en disant viens faire de la guitare. Okay. Bon, et encore sans Sève, je pense qu'il dirait mort de rire. Il faut que ce soit plutôt les artistes de la troupe qui disent bon, on a pensé à quelqu'un, machin s'est cassé la jambe, tagadagadagada. Et après, c'est vrai qu'avec Fanta et avec les gens de la troupe, il y a des gens qui nous intéressent. Et qu'on essaye de faire venir, tu vois, parce qu'on trouve qu'ils colleraient bien à l'ambiance. Donc on les aspire comme ça, tu vois. D'accord. Et ils viennent au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, parce qu'à un moment donné, quelqu'un d'autre leur en a parlé, et donc ils ont fini, voilà, ils ont envie de venir. Type qui me revenait pas, m'a trouvé imparfait sur nous. Pourtant il me connaissait pas, mais c'est peut-être écrit sur mon front. Miss Catastrophe qu'il m'a appelé, pour une chanteuse c'est bien trouvé. Blasé, blousé, désabusé, la journée a mal commencé. Dès que le réveil n'a pas sonné, j'aurais pas dû t'en roupiller. Calamitas, calamitas, j'ai pas le mojo, moi j'ai la poisse. Calamitas, calamitas, comme maracas. Comme mon théolé est brûlant, je vais prendre ma douche en attendant. Y'a plus de chaude, ça m'étonne pas. Et quand je reviens, mon thé est froid. Inutile de de le réchauffer. Je serais foutu de m'ébouillanter. Blasé, blousé, désabusé, la journée fait que commencer. J'ai qu'une envie, me recoucher. Pourquoi est-ce qu'il faut travailler? Calamitas, calamitas, j'ai pas le mojo, moi j'ai la poisse. Calamitas, calamitas, olé olé con maracas. Je sors mon chien et rien ne va. J'ai oublié le sac à caca. Comment je vais faire pour ramasser? Il me manquait plus qu'un PV. C'est la panique, voilà l'agent. Et je me retrouve les pieds dedans. Blasé, blousé, désabusé, la journée fait que continuer. J'ai qu'une envie, c'est rentrer. Mais qu'est-ce que j'ai foutu de mes clés? Calamitas, calamitas, j'ai pas le mojo, moi j'ai la poisse. Calamitas, calamitas, olé olé comme maracas. Je fais que des conneries, je vous dis pas l'angoisse. Y'en a qui boivent du petit lait, moi j'ai droit qu'à finir les tasses. Combien d'épingles sur ma poupée, qui c'est qui m'a marabouté? Cette vieille salope de Fechkoumoun sur mon berceau s'est bien lâchée. Calamitas, calamitas, j'ai pas le mojo mais j'ai la classe. Calamitas, calamitas, olé olé comme maracas. Calamitas, calamitas, j'ai pas le mojo mais j'ai la classe. Calamitas, calamitas, olé olé comme maracas. Calamitas, calamitas, j'ai pas le mojo mais j'ai la classe. Calamitas, calamitas, olé olé comme maracas. Calamitas, olé olé comme maracas. Calamitas, calamitas, j'ai pas le mojo mais grave, je sens tes doigts. J'enlève ma robe, je me dégrafe, je sens tes doigts. J'enlève ma robe, tu me dégrafes, je sens tes doigts. Deux, trois, j'ai la blouse de toi. J'ai la blouse de toi. J'enlève ma robe du dimanche avant de monter sur ta planche. J'ai la blouse de toi. J'ai la blouse de toi. Tu me palpes et je me dégrafe, je sens tes doigts sous l'échographe. Dessous tes mains, j'ai la mémoire qui flanche. Mais il y a cette culture quand même, tu vois, du travestissement, il y a cette culture queer, il y a cette culture LGBT qui est sous-jacente. Même si nous, on n'est pas un lieu marqué only gay. Ouais. Nous, on est une salle de spectacle. Ouais, effectivement. Avec les années, c'est sans doute aussi un peu plus facile puisque tu as des contacts, des, comme je le disais tout à l'heure, tu as des gens qui... Tu peux appeler pour avoir de l'aide, tu sais à qui t'adresser. Au début, ça ne devait pas être comme ça, ça devait être à l'arrache, tu devais travailler énormément. Pour... Alors, comment te répondre à ça? Si au début, quand tu démarres, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui te tend la perche. Ben non, parce que tu n'as pas de contact. Tu vois, les gens qui m'ont tendu la perche, quand je démarrais mon association Life Live, il y a donc bientôt 30 ans de ça, je suis toujours en lien avec eux. Okay. Tu vois, et donc c'est assez facile, hein, tu vois, c'est Charlotte des Baroques qui m'a tendu la perche, c'est Steph de la Lune Rousse qui m'a tendu la perche, et c'est Nassima du cartel d'El Barrio qui m'a tendu la perche. Et eux, ils m'ont filé des tuyaux en disant, tiens, il y a ça. Ah, okay. Tu vois, ils t'ont élargi. Chaperonné. Ouais. Voilà. Ouais, et après, je te mets tu te fais vite du réseau. Dans tous les bars, en France, dans les bars où il y a des concerts, tu peux croiser le pape. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Tout est là. Tout est là. Ouais, effectivement. Donc il y a un mec qui va venir te voir un dimanche en te disant, tiens, et puis c'est le patron de Libé, quoi. Et tu le savais pas? Non, tu le sais pas, mais il a adoré le concert, il te file une carte, envoyez-moi l'artiste la semaine prochaine. À l'époque, c'est vrai que dans tous ces bars, à l'époque, il y en a les abeilles, tout ça, on a eu beaucoup de presse parce que ça les faisait aussi marrer un peu les journalistes. Oui. Tous ces groupes qui chantaient tout le temps dans les bars, etc. Il y avait un espèce d'événement. Et puis c'était joyeux et insouciant. Est-ce que tu travailles aussi, es-tu un peu paternaliste envers les artistes? Est-ce que j'espère pas trop. Non, tu veux pas, pourquoi? Je sais pas, bon, c'est un mot bizarre, paternaliste, ben, non? Tu les aimes puisque tu les as choisis. Ah oui, je les aime, ça c'est sûr. Voilà, donc es-tu aussi un peu psychologue envers eux si ça va pas très bien dans leur vie? Oui, bien sûr. Oui, parce que tu as raison, on n'a pas répondu à une de tes questions précédentes. C'est vrai que moi, ça m'est arrivé d'aider des gens qui, humainement, m'intéressent, dont même si artistiquement, c'est pas ma cam. Okay. Mais leur démarche me plaisait. Et parce que je trouve que là-dessus, l'humain est important. Ouais. Tu vois, donc des fois, il y a des gens, ils font des musiques, c'est pas mon truc. Mais leur démarche, la façon de le faire, leur esprit de groupe, ça correspondait à mes valeurs. Est-ce que tu t'es fait beaucoup d'ennemis dans ce milieu-là? Non, quasiment aucun. Parce que tout le monde essaye de s'entraider, on n'essaie pas de... Non, de mais chacun fait son affaire. Je suis pas, sans doute peut-être pas vraiment un mec de conflit. Ok. En parlant, on peut régler bien des choses. Hein. Ouais, puis j'ai pas beaucoup d'ennemis, j'ai quasiment toujours payé tout le monde, tu vois. As-tu sans doute que tu as travaillé souvent sur des projets qui n'ont rien rapporté et qui t'ont appauvri? Ah ben ça, je continue. Tu continues. Mais tu peux pas voir que ça va bien fonctionner et l'autre ne fonctionnera pas? Ça dépend de mes envies. Souvent, il faut oser aussi. Parce que sinon... Écoute, si, parce que des fois, tu vois un truc et tu te dis ça va cartonner. Et souvent, c'est vrai. Okay. Tu vois, aux Trois Baudets, vers la fin des Trois Baudets, j'ai reçu la maquette de Christine and the Queen. Ok, oui. Tu vois, oui, ben j'écoute la maquette, je dis waouh, il y a un truc là. J'appelle, hop, la fille elle vient, hyper sympa, hyper, tu vois, hyper lookée. Alors là, cheveux, chapeau, tout était bon là, tu vois. On fait un concert, ok, j'ai appelé tous mes potes de la profession. Venez voir. Oh là là, là, il y a quelqu'un, c'est génial ce qu'elle fait quoi, tu vois. Ouais, Julien, ouais, c'est bon, ta gueule, ouais, c'est bon. Ah, bon. Et puis, toujours pareil, 2 ans après, les mêmes te rappellent en disant, mais... Bang. Et voilà, j'ai passé pourquoi à côté. Je t'ai pas écouté? Ben ouais, pourquoi? Hein? Ouais, j'ai passé à côté de quelque chose. Ah, parce qu'elle, elle a fait un tour de magie, cette fille, tu vois, elle est arrivée. Et c'est pas... Mais c'était déjà très bien. Mais ça arrive pas souvent, ce genre de choses-là. Non, c'est pour ça que quand ça arrive, tu le vois tout de suite. Oh, oui. Et c'est pour ça que tu prends ton téléphone et tu l'as. Ah là, j'étais convaincu. D'abord, je l'ai rencontré. Voilà, donc il y avait une démarche. J'ai vu son premier concert à la maison, là, au Trois Bonnets. Ok, c'est bon. C'est super. Gagné. C'est génial. Ouais. Donc, allons-y, quoi. C'est pas tous les jours le cas. C'est vrai. Mais quand c'est le cas, tu le repères. Puis, voilà. Tu avertis les autres, même si plus tard on te dit ben, avoir su. Ben, en tout cas, j'avertis les autres. Puis moi, j'ai un petit label, mais je crois qu'il lui fallait un gros label. Ouais, ben oui. Mais tu aujourd'hui, je l'aurais peut-être pas emmené galérer avec moi pendant 10 ans à chanter dans le café. Ah moi non, à un moment donné, elle veut monter, mais quoi que le café c'est une école, faut pas oublier. Non, le café c'est une école, mais c'est vrai que dernièrement, et ça c'est un truc aussi qui a changé dans le métier, il y a des gens qui arrivent. Avant on disait que pour rentrer dans ce métier, il fallait 10 ans. Et du talent. Ouais. Je sais pas à quel moment a commencé Christine de Queen, mais quand elle est arrivée à Paris, elle a pas mis 10 ans. Tu vois, mais elle avait déjà tout en tête, plus des tubes, plus des concepts, plus des chorégraphies. Donc elle n'a pas mis 10 ans. Et puis tant mieux. Oui, elle était prête. Donc il y a une nouvelle tendance aujourd'hui. Un artiste qui a bien son truc en main, il peut aller plus vite avec le bon entourage. C'est ça. Ah oui. Puis, être bien encadré, Et amener un truc global aujourd'hui, c'est vrai que c'est la nouvelle tendance. Il faut un graphisme, il faut une chorégraphie, il faut un look, il faut de la musique, ouais. Certainement. Ouais. Il faut un environnement et une stratégie, entre autres sur Internet. Si les affiches sont moches, tout est moche, ça aide pas. Quoique, ce serait presque un concept. Oui. Hey, j'ai 10 questions parce que je sais que t'étais pressé. Ah non, je suis pressé, j'ai rendez-vous à midi et demi. Ok, midi et demi. Oh, je pensais que c'était avant. 10h47. Ça. Ok, parfait, ok. Midi et quart, quoi. Ah d'accord, je croyais que c'était juste 50 minutes ici puis t'avais d'autres rendez-vous. J'avais pas toutes les infos. Ok. Alors, si tu étais un liquide. Si j'étais un liquide, oui. Gin tonic. Oh, mais pas le matin. Ah, le matin, une bière. Dès le matin. Ah ouais. Oh, ok. C'est le côté bar, ça. Ouais. Ton côté nocturne. Si tu étais une ville. Si j'étais une ville. Oh là, ça, c'est vraiment une bonne question. Chicago. Pourquoi Chicago? C'est le côté. J'ai été petit faire des repérages sur le père d'Armand Gatti, qui est un grand metteur en scène français, etc. Et c'est vrai que j'ai découvert dans cette ville un nombre de trucs incroyables entre la musique, les quartiers, les cultures urbaines, la vie politique de cette ville, le premier maire noir à Chicago, aux États-Unis c'est à Chicago. Mais c'est une ville assez violente quand même, Chicago. Là. C'est une des villes. Alors moi, j'ai eu aucun problème. Okay. Hein. À quelle année? Oh, j'y étais, disons, il y a quand même un paquet de temps. Attends que je sois 64 dans les 84, 5, 6. Ok, ouais, c'est plutôt dans les années 90 que ça commençait à devenir de plus en plus violent. On m'avait déjà dit qu'il y avait des quartiers, il ne fallait pas aller. Oui, exact. Ben, c'est comme Harlem, moi, c'est à New York. Oui, ouais, voilà. Mais en fait, quand tu y vas et que tu tombes sur tous les blacks, etc., et que tu leur dis que tu es français, c'est pas du tout pareil. Ça ouvre les portes. Oui, parce que les Français, c'est quand même, je ne sais pas pourquoi, la Révolution, les droits de l'homme, etc. Je n'ai eu aucun problème. J'étais dans plein de clubs de jazz, dans des quartiers où il n'y avait que des blacks. Et tout le monde est venu me voir en disant « Qu'est-ce que tu fous là ?» Et je dis bah, « Je suis français. » Ah bon, mais non, il est français. Ok, arrêtez vos conneries, là. On a un frère devant nous. Mais c'est vrai que j'étais quand même tout petit, j'avais une grosse bagnole. La mairie m'ont donné un caducé pour faire mes repérages parce qu'il y avait déjà le bureau du cinéma à Chicago. C'est une grande ville de cinéma, c'est la deuxième ville de cinéma au States. Effectivement. J'ai roulé là-bas, j'ai roulé ma bosse, j'ai adoré. Combien de temps tu es resté? Je suis resté 10 jours, je crois. Ouais, mais ça marque pour la vie. Ah ouais, non. Chicago, tu vois, le blues et tout. Ah ouais, c'est vrai. Les racines, le blues, c'est vrai. Il y avait des bars, tu vois, c'est un peu comme ici, des petits bars de blues. Alors, c'est des lieux très connus, mythiques, hein, où on jouait Aretha Franklin, Nina Simone, tout le monde. Hein. Mm-hmm. Bon, t'y vas, t'es là, tu t'assois au bar et tout, et puis, en fait, tout le monde chante. C'est-à-dire que la meuf qui est assise à côté de toi, à un moment donné, c'est la chanteuse. Exact. C'est son tour, elle va chanter 5-6 morceaux. Tu vois, puis elle revient au bar, parce que je sais pas trop comment il les paye, le patron peut-être il les paye un peu, un dîner. C'est... Et en fait, finalement, tout le monde est musicien, tout le monde chante dans ce truc, et c'est the place, quoi, tu vois. Sauf moi, j'ai pas chanté. Hein. Alors t'as manqué un succès. Ah oui, t'as manqué un succès, surtout en anglais. Si tu... Ouais, c'est avec l'accent frenchy. Ah, ils adorent. Si tu étais une langue, en parlant de... Une langue? Oui. L'italien. Ah oui. Oui. Pour la consonance ou Pour la consonance, parce que c'est une langue que je parle un tout petit peu, et du coup, il y a toujours un challenge quand je vais en Italie d'essayer de perfectionner mon italien. Et de montrer que je trouve très belle, très romantique, assez sexy. Ah oui. Tu vois, donc si j'étais une langue, je serais l'italien. Hey, si tu étais une époque. Ah ben alors clairement la bohème, Baudelaire, Rimbaud, ouais. L'album Zutik, le dîner des vilains bons hommes, le rendez-vous des achichins, clairement cette époque-là, tu vois, les chants de Maldoror, enfin voilà, la grande époque romantique du malheur d'être triste, quoi, tu vois, mmh, c'est-à-dire le dark side de la bohème, quoi. Ouais, ouais, le malheur d'être triste, ouais. C'est bien. Ouais. Question. Si j'étais un mot, c'était de la question la plus dure. Un mot, bah, le mot qui me vient à l'esprit, je sais pas pourquoi, c'est nonobstant. Ok. Tu vois. Bah, c'est vrai, c'est beau. Oui, c'est beau et on l'utilise pas beaucoup. Non. Mais il faut déjà trouver la phrase qui peut l'accueillir. C'est pas si facile. Oh, tu que vois, ça, j'ai donc. Pas pris un anglicisme. Non, effectivement. Oui, c'est tu bien me tendais ça. Une perche peut-être. Non, là. pas du tout. Non, je suis très ouvert à. Au vocabulaire nonobstant. Nonobstant, c'est ouais. Vrai, c'est. Mais comme ou si peut-être, c'est... non, le mot, ce serait n'importe nawak. N'importe nawak. Ah ouais, ok, ouais. J'aime bien celui-là aussi. Un peu de verlan. Oui, un peu de verlan, et puis mot long. Oui. Que okay. Personne ne sait très bien l'écrire exactement, d'ailleurs. Et toi, tu sais l'écrire? Non. Ok. C'est le coup de bol, ce sont des mots qui n'ont pas vraiment d'orthographe, donc. Tu peux l'écrire un peu comme ça. Il n'y a pas de faute. Ah oui, effectivement. Si tu étais une saison. Oh, le printemps. Pour quoi? Pour la Renaissance pour, Ouais, parce qu'il fait beau, parce qu'il fait... Moi, je suis un mec qui aime la chaleur, tu vois. J'étais au Québec, j'ai souffert. Hein. Ah oui, à quel moment? Ah ben, j'ai été toujours avec Armand Gatti au Théâtre National de Montréal, au Théâtre National du Québec, oui. Du Canada. Du Canada. En fait, c'est les Beaux-Arts. Non, moi, c'était... Ah, c'était les Beaux-Arts, mais là... À quelle année? Oh là là, pareil, vers cette époque, Chicago, okay. 80... 5-6, 85, 86, 87, je sais plus très bien. Et lui, il faisait le metteur en scène des troisième années. Okay. Tu vois, ouais. En troisième année, ils ont un metteur en scène international qui vient. Alors, je me suis fait plein de potes, mais je suis tombé très malade avec le froid quand même. Le froid m'a détruit. Il faisait moins 35. Ok, hein, mais tu devais être là en décembre, janvier. Là. Ah oui, non, mais on souffrait d'enfer. Fou. Ah oui, c'est fou. C'est Montréal ou Québec? Montréal. Après, je suis revenu, j'étais à Moncton, j'ai rencontré plus d'Acadiens aussi. Dans le Nouveau-Brunswick. Mais là, c'était plus avec la musique et les trois baudets et tout ça, tu vois. Mais c'est vraiment pas mal, le Nouveau-Brunswick, pour la musique, hein, parce que tu sens le côté cajun, tu vois la... J'adore. Ah oui, c'est vrai. Non, mais parce que c'est comme ça que j'ai rencontré, tu vois, Damien Robitaille. Oui. J'adore Damien Robitaille. Oui, qui... Il est à Paris, là. Oui. Ah. Il chantait hier ou avant-hier, non? Où? Je sais pas. Au Pan Piper. OK. Mais il est vraiment aimé au Québec. Il est super. Vraiment, grand super. Musicien. Grand musicien. J'adore ses chansons, là. Le premier album, il a des chansons un peu naïves, comme j'adore, le petit oiseau, là, sur un arbre, etc. J'adore ces trucs-là, moi. Je m'en rappelle encore, tu vois. Mais il faut dire aussi que c'est un type facile d'approche. C'est pas la grosse tête, c'est pas... Mais au Canada, j'ai remarqué, au Québec, les gens, ils sont assez faciles d'approche. Hein. Ah oui. La grosse tête, c'est très français, non? T'as remarqué aussi, non? Oui, ils ont assez... Ça dépend qui. Bah écoute, il y a des gens qui n'ont rien fait, qui ont la grosse tête. Tu rencontres des gens qui ont une carrière longue comme ça. Mais on dit, il y en a qui s'en font croire aussi. Là. Qui s'en font croire, c'est une belle expression. Ben c'est parce que, en fait, les plus grands sont les plus accessibles. Hein. Ceux qui s'imaginent être des méga vedettes, ils font fausse route parce que c'est pas possible. Je suis en train de réfléchir à Montréal. On n'aura pas de nom, là, mais moi j'ai des noms en tête. Si tu étais un membre corporel... Un membre de mon corps? Oui. Mon sexe. Ok, d'accord. Si tu étais... ma seule passion. Ta seule passion, effectivement, c'est ton trophée. Si tu étais un moment de la journée. Un moment de la journée, ça c'est une bonne question. Que je réfléchisse, je pense que c'est quand même l'apéro, quoi. Tu vois, fin de la journée, quand on se prépare à sortir, quoi. Avant que le spectacle commence. Voilà, le petit vin blanc de 19h. Mais c'est aussi la frénésie nocturne qui débute bientôt. Ah oui, ça me plaît. Ouais. Côté Pigalle aussi, tout peut arriver. 19h. Tout peut arriver, on ne sait jamais. Tout peut arriver. Il faut être juste prêt à l'accueil. La nuit est à nous, là. Exactement, mais il faut être prêt à l'accueil uniquement. il faut se laisser. Mais je me lève le matin en plus, mais je déteste. Mais c'est fou. Tu dors pas beaucoup, t'es comme moi? Je dors pas beaucoup. Mais quand même, si je dors ce qu'il faut. Ouais, mais bon, maintenant, avant, j'avais pas d'enfant, donc j'allais pas à l'école. Il faut quand même se lever à 8h. Il faut jumeler le travail. Donc il y a des soirs où tu te dis, demain je me lève tôt, ça va être dur. Ah ouais. Mais en même temps, ça fait partie de la vie. Il y a des moments où tu vas pouvoir être plus tranquille, mais on est dans l'action. Les vacances, regarde. Est-ce que c'est maintenant tes vacances? Ouais, je suis en vacances, là. Pendant combien de temps? 2 mois. Disons que je suis en vacances. Je suis entre 2 contrats. Mais à mon âge, tu sais, il faut prendre des vacances. Il faut profiter de la vie. Non, mais ça, c'est très français. Pourquoi? Parce que nous, on est un pays où les gens ont beaucoup de vacances. Tu vois, ils travaillent, la règle, c'est 35 heures. Et encore, beaucoup de gens travaillent que 28. C'est 5 semaines de vacances. Et certains en prennent 7. Mais il faut quand même avoir les moyens financiers. Alors, ça dépend si tu es dans la fonction publique ou dans le privé. C'est ça. Dans le privé, tu peux récupérer des heures si tu as beaucoup travaillé. Ouais, tu vois? C'est ça. Mais nous, les indépendants et les gens un peu de la bohème, on n'est pas à l'heure. On est dans des métiers passion. Quand tu vas au spectacle, tu comptes pas tes heures. Non, ça compte pas en heures de travail. Parce que sinon, ce serait pas cher de l'heure. Ce serait pas cher de l'heure. Faut pas regarder ça comme ça, c'est un très mauvais. Si tu étais un autre individu. Ah, alors je serais René Fallet. Qui est René Fallet? Alors René Fallet, c'est un écrivain français d'après-guerre qui a eu le prix Interallié, je crois, juste après la guerre, avec son premier roman « Banlieue Sud-Est ». Et après, il a écrit plein de livres populaires qui sont souvent devenus des films légendaires. Le Beaujolais nouveau est arrivé, Les vieux de la vieille, La soupe aux choux, etc. Ah, La soupe aux choux, C'est lui. Et lui, c'était un gars, un jeune mec, chemise à carreaux, vélo. Il habitait à Villeneuve-Saint-Georges. Il montait à Paris, il draguait les nanas, il jouait au baby-foot. Tu vois, la jeunesse d'après-guerre, il est fauché, hyper drôle, copain de Brassens, tout le monde fume des clopes, etc. Après, il est devenu journaliste à Libé. Il a toujours écrit donc première partie de sa vie, plutôt des romans assez gays, qu'on appelle les romans un peu vin rouge. Et puis, deuxième partie de sa vie, des romans whisky, un peu plus tristes, sur des histoires d'amour un peu plus déçues. tu vois. Et c'est un très grand romancier français, complètement oublié. Oui, mais qui est vraiment le roman populaire, le roman joyeux, truculent, avec cette époque de bande de copains, tu vois. Il n'y avait pas la téloge, bien sûr. Et il écoutait du jazz. Ouais. Et il raconte dans ses journaux comment, quand il écoutait, par exemple, Louis Armstrong, c'était quand même considéré comme hyper punk. Ouais, à l'époque. Voilà, alors qu'aujourd'hui, bon, Louis Armstrong, on apprend tout ça aux les enfants à l'école. Mais je crois que pour lui, ce qui faisait le côté, entre guillemets, plus violent, plus, c'est sa liberté de jouer de la trompette. Ouais, et le jazz, c'était une musique de sauvage. C'est ça, c'est la liberté. Ouais. Tu sais, de ne pas de ne pas rentrer dans des carcans, de se laisser vraiment carte blanche et de jouer ce que l'on veut et, à la manière que l'on veut, sans. Puis aussi. C'est d'oublier la musique pour s'abandonner sur l'instrument. Donc c'est ça le jazz, c'est l'improvisation, ça, c'est du jazz. C'est l'improvisation. Ouais. Mais il faut quand même être assez, il faut être très bon pour le faire parce que... Armstrong avait l'air bon. Ah ouais, lui il était exceptionnel. C'est un des plus grands. Mais ce qui est drôle, c'est que c'était très mal vu d'écouter ça. Oui, mais c'était subversif. Alors, voilà, alors qu'aujourd'hui c'est complètement rentré dans le... Ça fait partie. Tu vois, le subversif d'il y a 60 ans, n'est plus tout subversif. Là, c'est rendu un standard. Et ça, c'est passionnant. Oui, ben oui. Je trouve. Parce que du coup, le subversif d'aujourd'hui, on imagine que ce sera pareil. Tu vois, les gros groupes de rap français bien méchants, ben en fait, ils auront un lycée dans 20 ans. Quoi. Exactement, exactement. Puis on va peut-être les étudier. Le lycée NTM. NTM, oui, c'est ça. Si tu étais un autre individu, à choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Presque. Presque. Mon gros handicap, par exemple, tu vois, c'est que j'ai commencé très tôt à faire des spectacles. Du coup, le bac, tout ça, le BEPC, le brevet des collèges, je m'en fichais. J'étais déjà aspiré dans le spectacle. J'ai dû faire une mise en scène vers mes 15 ans, tu vois. À l'école. En cours d'anglais, on a passé l'année à faire une pièce de théâtre, The Importance of Being Earnest, de Oscar Wilde. Et ça, je me suis vraiment marré à faire les costumes, les décors, les entrées, les machins, non, t'es nul, à faire répéter les mecs. Mais c'est là que tu as pris la piqûre, peut-être? Ah oui, j'ai pris la piqûre là. C'est à ce moment-là. Ouais. Le déclencheur a été là. Du coup, je ferais la même chose, mais si j'avais un meilleur orthographe, une meilleure connaissance de l'histoire de l'art, j'aurais peut-être fait une meilleure carrière aussi. Ben, ça t'aurait pas fait ce que tu fais aujourd'hui aussi. Ah, je serais un autre. Ouais. Je serais un autre. Mais est-ce que tu es un gars qui vit de projets? As-tu beaucoup de projets? Oui, j'ai beaucoup de projets. Et entre autres, avec le Divan du Monde, on veut ouvrir une autre salle en France, donc toujours orientée cabaret, chanson française. On veut monter un musée expérimental de la chanson française. Ça, c'est intéressant. On voudrait faire une sorte de base de loisirs où tu peux venir dormir en camping, dans tout ce que tu veux, dans lequel toutes tes chansons françaises, le club, tu sais, au Divan du Monde en Arthur, toute la nuit, on fait danser les gens en version clubbing avec zéro titre anglais. 100% français. 100% français. On doit être les seuls à faire ça en France. Et ça marche très bien. Oui. Donc, on réfléchit à des projets un peu comme ça, un peu foufou, où tu as le mélange des trucs sérieux, un peu le musée, le centre de ressources, etc. Et des choses plus éclatées. Et des choses plus fun. Mais voilà. Est-ce que ces projets-là arrivent à se concrétiser souvent ou si c'est juste des projets? Non, ces projets-là, ils vont se concrétiser. Aucun rêve prémonitoire n'aurait pu me faire savoir comment les choses allaient tourner en cette fin de journée. Aucun signe avant-coureur, j'avais la tête ailleurs. Je me suis dit pourquoi pas, c'est aussi simple que ça. Une rue mal éclairée, des barres de tous les côtés. Je suis entré dans le premier, où j'entendais quelqu'un chanter. Je suis une femme mal barrée, dans un bar mal famé. C'est tout ce que tu savais dire, caché derrière ton grand sourire. C'est fou les effets de l'alcool, ça remplace bien des paroles. Même sans doubler les doses, on s'est compris à demi-mot. Depuis les rues mal éclairées me semblent des endroits à rêver pour aller tendre l'oreille quand quand je ne trouve pas le sommeil. Je cherche quelqu'un qui chante dans l'ombre sans doute. Ces mots qui te ressemblent sans l'ombre d'un doute. Je suis une femme mal barrée dans un bar mal famé. Mais moi, je t'entendais dire, caché derrière ton grand sourire. Aime-moi comme si j'étais ta première fois. Aime-moi comme si c'était la dernière fois. Certains ont construit des Taj Mahal, beaucoup se sont donné du mal. Je n'ai eu besoin que de t'écouter, de laisser la magie opérer. On s'est lu entre les lignes, sans même se faire un signe. Je t'ai regardé danser toute la nuit, je te verrai danser toute ma vie. Aime-moi comme si j'étais ta première fois. Aime-moi comme si c'était la dernière fois. Aime-moi comme si j'étais ta première fois. Aime-moi comme si c'était la dernière fois. Tu vois, là, je travaille sur notre implantation à Bordeaux. Et c'est pour ça que j'étais un peu à la bourse ce matin. J'ai eu un coup de fil que j'attendais depuis 2 mois par rapport à des travaux qu'on fait à Bordeaux pour avancer sur les études acoustiques, pour avancer sur notre permis de construire, en quelque sorte. Donc, tu vois, ça avance pas. Puis tout d'un coup, ça avance. Donc, il faut être toujours prêt. Voilà. Il faut être vigilant. Et Bordeaux, ça devrait se faire. Ouais. Mais là, à Bordeaux, tu vas faire quoi? Tu vas te rendre à Bordeaux, puis après ça, tu reviens à Paris. Puis ah non, Bordeaux, dans ces cas-là, je vais à Bordeaux. Tu vas vivre à Bordeaux? Ah ouais. Et je remonte à Paris quand il faut avec le TGV. Mais je vais à Bordeaux. Alors t'amènes la famille à Bordeaux? Ah oui, j'emmène tout le monde. Et j'emmène le spectacle Madame Arthur. C'est-à-dire toutes les semaines, ils viennent en tournée à Bordeaux. Oui, mais là, le cabaret, ça va rester là, mais toi, tu seras pas là pour encadrer le... Ah ben non, mais d'ailleurs, j'encadre plus vraiment. C'est Fanta qui encadre maintenant. Okay. Tu vois, le show manager, ou je sais pas comment on dit ça, c'est le show runner, quelque part, maintenant, c'est Fanta qui gère. OK, mais tu vas aller prendre des artistes d'ici pour les amener chez toi. C'est-à-dire qu'ils font leur semaine ici, c'est fou. Et ceux qui veulent prennent le TGV, enfin, à mon avis, ils voudront. La semaine d'après, ils sont à Bordeaux. Et c'est bien parce que ça les fait travailler, ça leur donne l'opportunité exceptionnelle. C'est leur métier, ces gens-là de chanter. Mais donc, pourquoi Bordeaux? Parce qu'on a trouvé une très très belle salle qui remplit quasiment toutes les conditions qu'on voulait, accessibilité, dimension, dans une métropole, où il y a une place à prendre au niveau cabaret. Ouais. Voilà, on a vu d'autres villes. Mais qui t'en a parlé de cette salle-là? C'est arrivé comme ça? Non, c'est arrivé par le plus grand des hasards. Il y a quelqu'un qui est venu nous voir à Paris, qui avait un projet, on a suivi le fil, et on a finalement réussi à trouver cette salle. On est arrivé à Bordeaux. À part des coups de fil, des trucs, des machins. Le réseau. Eh oui, ben c'est ça qui aide, avoir un réseau, avoir une liste d'amis ou de contacts. Et alors, tu n'as plus de questions dans ton portrait chinois, là? Ben non, mais je termine avec une ouverture. Ah oui, oui, ah ben oui. Ben l'ouverture, c'est qu'on ne sait jamais. Les gens nous disent souvent, quand je dis la dernière question, est-ce que tu ferais le même chemin? Oui. Ben là, souvent, il y en a qui racontent, étant jeune, puis là, ils ouvrent l'horizon, ils ouvrent la discussion, mais en fait, j'ai aucune question, c'est la discussion qui fait en sorte qu'on fait avancer la rencontre. Il n'y a rien de dirigé, tout est improvisé. D'accord. Et ça fait des rencontres tout à fait chaleureuses, intéressantes. Mais moi, ce qui me plaît chez toi, c'est ton acharnement et ton travail pour la pour la chanson française, gardons la chanson française vivante. Tout le temps. Est-ce que ça a été toujours ça ton but, étant jeune, ou si t'écoutais pas beaucoup de musique anglo-saxonne? Non, quand j'étais petit, je voulais faire plutôt du théâtre. Et quand j'ai monté mon assos, c'est parce que mon voisin à Paris, Ness, il voulait ouvrir un café. Et le groupe sur lequel nous on s'entendait bien, parce que moi je préférais la musique traditionnelle, ah oui. Même tu vois, les Dubliners, quand tu vois vraiment la chanson irlandaise pure et dure, et lui préférait des trucs un peu plus genre Madness. Ah oui. Et il y a eu les Pogues. Voilà, oh, tu vois, yes. Le croisement entre un peu du trad et du rock. Et là on était d'accord que c'était le truc génial, les Pogues. Et, ça, on peut dire que c'est du ska punk. Ouais. Ouais, on peut dire, ouais. Ils sont rendus à 45 ans de métier, je crois. Ah oui, tu m'étonnes. Ils cartonnent encore à chaque fois, mais ils travaillent beaucoup moins. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Ben moi, la dernière fois, c'est il y a peut-être 10 ans. Ah oui, quand même. Mais non, mais écoute, ça galérait aussi, là. Hein? Ils se sont brûlés, ils ont brûlé la chandelle par les deux. Ah oui. Et il faut faire attention qu'à un moment donné... Ben, il y a eu changement de chanteur. Oui. Ben oui, parce qu'il n'était plus capable. Mais il a fait cavalier seul aussi. Il est même mort, je crois, non? Non, je crois pas. Ah bon, il était plus capable. Oh, tant mieux, je suis content d'apprendre qu'il est vivant. Non, mais là, il a fait cavalier seul aussi. Ouais. Il a abandonné le groupe. Et pour les 40 ans, je crois... Il est revenu. Oui, il est revenu, oui. Il est revenu même à Paris. Il a fait, Il a fait l'Olympia. Ah, je l'ai pas vu. Mais tu vois que le type est terminé. Ouais, il est complètement rincé, quoi. Rincé. C'est un peu comme les Stooges. Les Stooges, ouais. Il y aurait juste un, c'est Iggy Pop. Ouais. On ne sait pas pourquoi, comment il fait pour tenir le bonhomme, mais il tient la voûte. Il est costaud, hein? Oui, mais je crois aussi que c'est beaucoup de mise en scène. Il fait miroiter autour de lui une sorte de mauvais garçon qui sort de la vie. Mais bien sûr. Il paraît que selon des proches de Iggy Pop, c'est un type qui adore faire son jardin, qui adore récolter, qui vit normalement avec. Il faut entretenir le mythe. Oui, exactement. Oui, mais c'est évidemment. Ça qui crée le show business. Si Iggy Pop. Tu le vois pas en train de boire un détox en terrasse, quoi. Exactement. Ah bah. Oui, exactement. Mais si Iggy Pop. Nous serait présenté comme un homme classique, ben, il n'y a plus d'intérêt. Plus d'intérêt. Il faut créer le mysticisme, parce que le côté vedette, on dit les vedettes, alors le côté vedette, c'est le côté obscur, étrange, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Est-il vraiment aussi rock'n'roll dans la vie qu'il faut laisser les gens avoir leur propre vision de l'artiste. Puis il ne faut pas tout leur dévoiler. Ben, surtout pas, c'est comme un truc de magie. On le fait, mais on ne le dit pas. On ne le dit pas comment on l'a fait, là, parce que sinon, ça brise le... Mais du coup, toi, tu es venu à Paris faire plein d'interviews. Oui, je viens ici depuis 12 ans. Oui. Et je fais des rencontres radiophoniques, comme on vient de faire. Oui. Et je rencontre des chanteurs, des chanteuses, des gastronomes, des écrivains. Toutes sortes de trucs. Ben, en fait, c'est le monde créatif dans son entité à Paris, sur la rue des Abeilles. Ah oui, tu as choisi une rue. Oui, parce que moi, j'habite juste ici, à l'auberge de jeunesse. Ah bon? Toi, tu étais au Québec, moi. Ben, pour mes 9 jours, je suis ici, à l'auberge de jeunesse. Sinon, je m'en retourne avec mes magnétos. D'accord. Pour faire du montage et placer ça dans mon émission. Donc, génial. Je puise les artistes, hein, je les amène ici, on discute, après ça on va prendre des photos, si tu veux bien. Bien sûr. Et j'encadre ça dans une émission dépendant de la durée de notre rencontre. Donc tu vas repartir ensuite, monter tout ça au Québec, oui. Et après tu envoies tous les podcasts. Non, je diffuse ça, aux artistes que j'ai rencontrés, mais c'est diffusé à mon émission qui est CKRL. CKRL. J'ai vu le t-shirt. Qu'est-ce que CKRL? Citizen. Non, c'est une chanson. Oui, karaté. Et pas loin. Radio libertaire. C'est vraiment pas loin. RL pour Radio Laval. CKRL, c'est la première. Ah, Laval. Radio, là, c'est la première radio communautaire francophone au monde. D'accord. C'est nous qui avons amené les radios libres et les radios associatives ici à Paris. D'accord. La radio libertaire, c'est venu de CKRL. D'accord. Nous, on a commencé en 74, vous en 80, 81, 82. Oui, avec François Mitterrand, Radio Libre. Oui, exactement. Avec les Lafesse, les Super Nava. Voilà. C'était déjanté et explosif, mais c'est nous qui sommes venus à Paris avec nos machines, nos structures radiophoniques pour lancer les radios libres ici. D'accord. Nous, on est nés en 74. C'est quand même le 11 février 74. C'est précis. On la fête aussi à chaque année. Et c'est une radio qui est très vivace, qui est très hétéroclite, puisque les mordus de jazz vont faire une émission de jazz, il va en parler avec beaucoup de véhémence et, et de raffinement, puisque c'est leur manière de vivre. Il y a des émissions de blues où les animateurs mangent du blues, en parlent à la radio, en diffusent. Il y a la chanson française, il y a toutes sortes d'émissions qui sont faites grâce à des vrais passionnés. Et ces gens-là ben, font leur mise en onde, font les micros, donc, et souvent ne sont pas payés. Mais moi, j'ai la chance d'être diffusé depuis... Mais je ne le dirai pas en onde parce que les gens en ont ras-le-bol d'entendre ça. Ah bon, ben tu coupes pas? Oui, je vais couper. Mais ça, je ne fais pas beaucoup de montage. Ça, j'essaie d'être assez pur là-dessus. Mais je t'en parlerai tantôt à la fin de la discussion. OK, d'accord. Parce que c'est intéressant de savoir... qu'il y a d'autres radios libres un peu partout au Québec aussi. Bien sûr, il y en a sûr. Qui, comme c'est très difficile de rester là, rester vivant, ouais. hein, rester en onde, ben, il faut souvent mettre beaucoup de travail et récolter peu. Au niveau financier, comme toi. Oui. Mais toi, tes projets, on va peut-être se quitter là-dessus, mais tes projets sont à part Bordeaux. Est-ce que tu as d'autres choses ou si tu te concentres là-dessus, tu veux mettre tes énergies sur ce projet exceptionnel? Ben, je me concentre là-dessus. On a monté aussi un fonds de dotation. OK, ouais. Tu vois, c'est pour que des gens puissent nous faire des donations, entre autres d'archives, mais aussi de moyens financiers s'ils veulent. Parce qu'il y a encore plein de trucs qui disparaissent et qui vont à la poubelle. Mm-hmm. Il y a des titres qui disparaissent, il y a des chansons qu'on ne peut plus trouver. Même d'une manière légale sur Internet, il y a des partitions qui disparaissent, des costumes, des affiches, des posters, des machins, des archives, quoi. Et donc ça nous conduirait vers ce musée expérimental. Et ce musée expérimental-là sera où? Ben, il sera peut-être au sein d'un grand projet chanson dans lequel il pourrait y avoir le musée. Ou alors, demain, je vais trouver un endroit quelque part où on va me dire, installez-vous là. N'importe où en France. Mais pas nécessairement à Paris. Okay. À Paris, il y a déjà beaucoup de choses. Oui. On peut un peu décentraliser. Oui, parce que là, on s'y perd. Quand on vient à Paris, il y a tellement de choses à voir. Il y a peut-être 150 concerts à chaque soir dans les bars, dans les facilement. Salles, dans les petites salles. Mais là, facilement. Quand je dis ça, là, c'est pas beaucoup. Là. Non. Hein, parce qu'à partir du jeudi, c'est épouvantable. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il y en a beaucoup. Même dans la rue, les gens se promènent. Et moi, je fais des mini-concerts aussi sur la rue des Abbesses à la bouche 12 du métro. Mais que tu chantes? Non, moi, je chante pas. J'invite des chanteurs, des chanteuses. Ah. Et j'enregistre ça et je diffuse ça à mon émission. D'accord. Donc, je fais ça le mercredi, mais aujourd'hui. Ce soir, et je fais ça aussi vendredi. D'accord. Donc, il va avoir Adrienne Poli. Génial, il j'adore. Il y a plein de monde. Il va avoir Brad Scott. Ah, bravo. Mais tu sais, c'est qui Brad Scott? Bien sûr. Mais malheureusement, il ne fait plus de musique. Ah bon? Puisqu'il a perdu son titre d'intermittent, il est obligé de faire un autre emploi. Ah oui. Il est rendu, je ne sais pas comment on appelle ça chez vous, mais il dirige les touristes. Guide? Guide touristique. Ben, voilà, guide touristique. Ça n'empêche pas de faire de la musique? Ben, il n'a plus le droit de faire de la musique puisqu'il a perdu son... Non, il a le droit de faire de la musique. Ben, il a le droit de chanter s'il veut dans son salon. Oh, statut. Statut d'intermittent, il est un peu bloqué. Il ne peut pas faire des spectacles, il ne peut pas se retrouver avec Arthur H., exemple. À cause de son côté intermittent qu'il n'a pas... C'est bizarre. Ouais. Moi, je suis sûr qu'il y a une solution administrative. Ah, sans doute. Ah. Sans doute. Tu lui dis de venir me voir. Oui, c'est ça, on va y en parler. Mais donc, c'est ça. Ça, c'est vendredi, c'est à quel bar? C'est pas un bar. On monopolise un banc public. Un banc public? Oui, oui, un banc public. Et on place les musiciens là. Je mets mes micros. Et il y a... Mais t'es où? T'es là? Oui, la bouche de métro 12, à côté du carrousel. Alors, ah oui, à côté du carrousel. C'est ça, il y a 6 ou 7 bancs publics et on se place là, on met des micros, les chanteurs viennent chanter. Il y a Fergus, est-ce que tu connais Fergus? Pas bien. Stéphane Doré, c'était son vrai nom, Stéphane Doré. 19h? 19h30, oui. Oui, oui, oui. Je le marque. Il y a Stéphane Doré qui sera là, il y a plein de monde. Là, Garance devait passer, mais elle est partie. Comme tout le monde. En vacances? Non, pas en vacances. Non, non, non. Partie... Au Francopholies? Non, mais t'es pas loin. C'est... Avignon. Avignon, voilà. Elle est partie à Avignon avec Sarc Loret. Ouais, ouais. Sarc Loret que j'ai rencontré samedi et qu'il m'a invité chez lui. Il s'est procuré une petite salle. C'est super intéressant. Ah ouais, génial. Ouais, ouais, ouais, ouais. Elle est où, sa petite salle? C'est dans le 8e arrondissement. Dans le 8e? Oui, oui. Et là, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il organise, mais... On ne doit pas trop en parler parce qu'il n'y a pas encore tous les papiers. Oui, non, mais ça, c'est pas grave. En France, si tu attends les papiers, tu ne fais jamais rien. Hein. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Mais il organise des spectacles avec ses amis. Ouais. La promotion se fait sur Internet parce qu'on ne peut pas trop en parler. Hein? Oui, mais là, on peut en parler. Ah oui, oui, ça, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, on ne peut pas faire des affiches puis les placer un peu partout. Donc, c'est le bouche-à-oreille. Oui. C'est le bouche-à-oreille. Donc, bouche-à-oreille, il a raison. Il peut accueillir 50, 60 personnes dans cette salle-là. Super convivial. La scène est montée. Tu sais, c'est pas une scène avec le public là, sur le même palier. Exactement, il y a une vraie scène. Il y a des vraies lumières, il y a des vrais micros. Et il diffuse des êtres extraordinaires qui ne sont pas connus encore. Mais qu'ils le seront. Il y a Garance Aubin que tu connais peut-être. Non, pas encore. Ah voilà, mais c'est ça. Donc, c'est des vedettes. Elle, Garance, travaille, chante depuis presque 10 ans. Ouais. Donc, c'est des gens qui font encore au métier et qui en vivent sans être connus et reconnus. Et ça me plaît. Tu n'es pas obligé d'être des Arthur H. pour pouvoir... Tu peux en vivre sans voir le circuit médiatique traditionnel. Ouais, ouais, ouais, ouais. Il faut se bagrer, mais cette Garance, c'est vrai que j'ai l'impression que... C'est peut-être la deuxième personne qui me parle d'elle. Ah oui, c'est très très bon, très très bien. D'accord. Une fille qui réfléchit sur le sort des femmes, ouais. C'est très important, qui chante en français, guitare-voix, et puis quand elle a plus de budget, elle a un batteur. D'accord. Mais il faut le budget, toujours le budget. Hein. Tu peux aller en tournée avec ta guitare comme Bob Dylan le faisait à l'époque. Et donc, une belle voix, une très bien sur scène, très jolie, une belle présence. Elle sait enchaîner ses chansons. Et moi, ce que je trouve dommage souvent, c'est que les chanteurs, les chanteuses, même professionnels, je suis allé voir Vanessa Paradis à l'Olympia, le problème, c'est qu'elle enchaîne chanson sur chanson sans rien dire au public. Donc, ça fait un spectacle froid, bien beau que ce soit à l'Olympia que tu t'appelles Vanessa Paradis. Mais on veut t'entendre, on veut savoir ce que tu as à nous dire. Oui, et je suis entièrement d'accord. Que ce soit préparé ou pas, tu n'es pas obligé de faire un monologue, tu n'es pas un humoriste, hein, tu n'es pas à... Non, non, mais c'est hyper important le moment entre les chansons. Ben voilà. Et toute cette culture du noir entre les chansons. Mais tu dois leur dire toi aussi tout à, ça, tes, il faut... à tes artistes. Ah ben je le travaille beaucoup ça. Ben oui. Entrée de scène, sortie de scène, le rideau, tout ça est très important. Ben oui, ça ne savait pour conduire un vrai spectacle. Oui, c'est ça. Il sait très bien parler au public, c'est bien les faire marrer. Et après ça, il enchaîne sur une autre chanson. Il se trompe, on arrête, on recommence. C'est vraiment convivial. Et tu te rends compte que c'est du spectacle vivant. Dans le spectacle vivant, tu peux te tromper. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, même à l'Olympia. C'est ça. Ah oui, ben là, ben oui, il y a eu une mini bataille à l'Olympia avant-hier, au show de Vanessa Paradis. Une bataille de quoi? Bataille. Un homme n'était pas heureux du spectacle. Il trouvait ça peut-être un peu... moi, je mettrais à ce concert-là le côté un peu kitsch. Ouais. La chanson française, mais le son était trop fort, la voix, on l'entendait pas. Ah ouais? Ouais. Le public était déjà gagné, donc pour elle, c'est facile. Hein. Toi, ça, c'est bien un mix de techniciens, pour le coup, non? Ça, je sais pas, mais... Est-ce qu'un DA comme moi, il va te dire toujours... Non, non, non. Non, non, non, non, non, non, non, les mecs, vous nous cassez les oreilles, moi, je veux entendre Vanessa et les musiciens... derrière. Oui, effectivement. Mais c'est ça, mais tu viens pour voir Vanessa, puis surtout entendre des paroles. Ah oui. Si tu veux voir un artiste et tu connais aucun de ses... Donc le mec, il s'est levé, il a gueulé, quoi. Ben, il s'est... Non, il s'est engueulé. Il n'a pas gueulé, il s'est engueulé avec l'autre à côté qui s'est élevé et qui chantait, comme tout le monde. Et il dit, oh, non, arrête, assis-toi. Vanessa Paradis a arrêté le spectacle. Elle a dit quoi? Elle a arrêté le spectacle. Elle a dit, mais là, après ça, je me suis dit, est-ce que c'est une mise en scène? Elle a arrêté la chanson en plein milieu. Elle a dit au type, et ça c'était super drôle, super marrant. Elle a dit, arrêtez de vous battre, on n'est pas au cinéma. On n'est pas au cinéma. Oui, on n'est pas au cinéma. Oui, parce que là, c'est du vivant. C'est ça, exactement. On n'est pas au cinéma. Les gens sont ici pour s'amuser. C'est ma dernière à l'Olympia. Elle a dit vraiment mot pour mot comme ça. C'est ma dernière à l'Olympia. Je veux que ce soit rigolo, festif et que les gens s'amusent. On est ici pour écouter de la musique. Et si vous êtes ici pour créer la bisbouille, sortez. La bisbouille. La bisbouille. Elle n'a pas dit bisbouille. Ça... mais si vous êtes ici pour nous faire chier, hein, en un mot. Sortez. Mais elle n'a pas dit chier parce que c'est Vanessa Paradis. Oui. Ouais, sortez. Mais là, comme moi, j'étais un peu loin, j'ai pas vu, je crois qu'on l'a sorti. On l'a sorti parce qu'après ça, elle est revenue après la troisième chanson pour dire, ben, excusez-moi, peut-être que j'ai plombé le début du spectacle, mais on va oublier tout ça et on va s'amuser. Et c'est vrai que les gens ont oublié et ben, les gens étaient déjà heureux de la voir et le spectacle était dans la poche sans même qu'elle ouvre la bouche. Ouais, ben oui. Ben, quand tu t'appelles Vanessa Paradis, c'est pas comme si tu... tu sais, Garance Aubin doit travailler son public. Oui, mais Garance Aubin, il y arrivera. Oui, ouais, exactement, parce que même si tu es une artiste qui n'est pas connue, tu as un public qui te suit. Bien c'est sûr. Ça qui est merveilleux. Et Julien Doré, Fergus, ce qui me plaît, c'est qu'il a la gueule de Gainsbourg. Mais qui n'a pas approprié le rôle d'imitation. Il ne veut pas imiter Gainsbourg. Ouais. Mais il a une plume exceptionnelle, des musiques vraiment qui accrochent. C'est honnête à découvrir avec une voix rocailleuse, d'une subtilité incroyable et d'une présence sur scène fabuleuse. Ouais. Vraiment, c'est... Et il y a plein d'artistes comme ça que je rencontre. Et suite à ça, ben, je leur dis, ben, venez faire un spectacle, venez, moi j'organise... Sur mon banc. Sur mon banc public, qu'on va monopoliser, qu'on va utiliser pour faire connaître ces artistes-là. Parce c'est que, génial. Ils génial. Ont des choses à dire. Oui, ben, c'est bien parce que après, ben, je les diffuse et puis on les entend parce que la chanson française n'est pas non plus uniquement la chose des plus connus, tu sais, ben il y a aussi les petits qui veulent faire leur marque, qui veulent se présenter autrement qu'à travers les médias les plus lumineux, voilà. Oui, oui, oui. Ils sont dans la subtilité, ils veulent pas entrer dans cet engrenage-là qui veut les étouffer souvent. Les gens ont peur de sentir... bien sûr que plusieurs veulent avoir le succès, hein, veulent être connus, reconnus, ah ben oui. Sortir dans la rue. Ah, oh, bonjour! Mais il faut vouloir le succès. Oui, oui, il faut, mais en même temps, c'est pas une obligation. Non. C'est ça. Ça dépend de carabiscouille. Chacun. C'est ça, oui. Mais ça dépend de chacun. Ça dépend de la manière que tu vois le métier. Oui. Souvent. Alors, la bonne nouvelle pour toi. Oui. Comme ça fera le scoop. Allons-y. Le scoop de fin d'interview. D'accord, oui. C'est qu'on va aussi créer une émission de radio chanson chez Madame Arthur. Diffusée sur un réseau... Diffusée sur Internet, je pense, pour commencer. Okay. OK. Donc, pas les ondes encore. Les Mais tu ne veux pas frapper aux portes des radios libres pour diffusion Je vais aussi, mais on va démarrer in situ. Ah, c'est fou, ça. Tu vois? Oui. Parce qu'on ouvre le troisième étage. OK. Là, vous êtes en pleine rénovation. Et là, ouais, on est en pleine rénovation. Pour entrer tout l'appareillage radiophonique. Oh, le appareillage, il va être très léger, je crois. Un mixeur. Ouais. Micro. Une mixette. Une mixette, ah oui, tout petit. Ah ouais, je crois qu'on va commencer tout petit, ouais. Mais est-ce que le son risque d'être intéressant ou au début vous le son, le troisième étage, c'est un peu comme le décorateur, il nous prépare un peu comme un appartement, tu vois, de... On pourrait imaginer l'appartement de Nino Ferrer, tu vois. Ah oui, oui. Voilà, bon. Et donc, je ferai l'émission de radio là-dedans, orientée chanson. Mais ce n'est pas un lieu de concert. OK. C'est plutôt un lieu, comme tu dis, de rencontre. Ah oui, c'est bien ça. Voilà. Alors, tu vas organiser quoi? Inviter des gens qui vont venir me raconter la chanson française. Leur manière de voir la chanson française. Ouais. Puis c'est des chanteurs, des chanteuses. Des auteurs, des journalistes, okay, des historiens, des paroliers. OK, l'univers de la musique en général. Ouais. Ah, ça c'est pas mal. Orienté chanson. Donc au début, on sera plutôt que en podcast, je pense, tu vois. Ben, c'est bien quand même, il faut se faire entendre. C'est très bien. Est-ce que tu vas diffuser ça à travers de la musique ou si c'est juste des rencontres orales? Est-ce que je mettrai un peu de musique? Oui. Ah ben, je vais mettre un peu de musique, forcément, pour illustrer. Et c'est toi qui vas animer? Oui, c'est le projet. OK, c'est quand? Ben, on démarrerait en septembre. Oh, à la rentrée. Tu vois? Mais moi, je suis pas journaliste. Ben, puis, moi non plus. Ah bon, ben? Ben, moi non plus. Ben, puis. Il n'y a aucun problème, mais les passionnés ont leur place. Hein. Voilà. On est obligé d'avoir un statut. Oui, oui, puis je peux quand même préparer un peu mes trucs. Toi, tu prépares un peu tes trucs. Oui, toujours. Les mots n'ont plus la parole, mais faudra le dire à personne. Tu me tues à te taire comme une tombe, moi j'en crève, mais faudra le dire à personne. À quoi? À quoi? Rêve nos rêves. À quoi? Les mots plus la parole, mais faudra le dire à personne. La sirène d'Anderson se sèche les larmes dans la mer, mais faudra le dire à personne. À quoi? À quoi? Rêve nos rêves. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.